Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au premier acte, nous sommes à Paris. Au deuxième acte, nous sommes en Touraine, le verger de la France. Au troisième et dernier acte, nous sommes de retour à Paris. Et allez donc, c'est pas mon père. Si cette formule vous est familière, c'est qu'elle est prononcée un certain nombre de fois dans la pièce de Georges Feydeau qui vient et qu'elle se prononce depuis des décennies sur la scène de tous les théâtres et dans le monde entier, traduite évidemment. La môme crevette, peut-être le personnage le plus célèbre de l'œuvre de Feydeau. La môme crevette, si souple, si nature, si inoubliable dans ses apparitions, et le mot peut être pris parfois dans un sens religieux. Pour la plus grande béatitude de Madame Petitpont, la femme du docteur Petitpont. Mais nous sommes donc chez Feydeau et les identités sont mouvantes. Oui, le docteur Petitpont est marié, sinon où serait l'amusement? Dis donc, tu n'avais pas dit que tu étais marié, toi? En voilà un petit vicieux. L'apparition de la môme crevette, en ange Gabriel? Il m'a parlé. Qui ça? Celui dont la parole doit féconder mes flancs. De là à passer pour Braque, pour une échappée de cabanon, pauvre Madame Petitpont. Cela va être l'engrenage. La dame de chez Maxim's, la voici, dans une version de 1958, c'était sur France 2 Régional. La Comédie Française interprète pour vous les chefs-d'œuvre du théâtre comique. Une émission de Jacques Régnier et Jean Debert. Ce soir, La Dame de chez Maxime, pièce en trois actes de Georges Feydeau. Aucune scène de théâtre n'est plus encombrée que celle qu'a prévue l'auteur pour le cabinet du docteur Petitpont au premier acte. Je renonce à vous le décrire en détail, vous vous y retrouverez au fur et à mesure. Pour l'essentiel, il représente un grand salon, confortable et sévère. Quand on tire le rideau du fond, on se trouve dans la chambre à coucher du docteur, avec au milieu son lit. Quand le rideau se lève, il fait très noir. Étienne, le valet de chambre, introduit Mongicourt, un ami du docteur. Comment, qu'est-ce que vous chantez? Mais c'est comme je vous le dis, monsieur le docteur. C'est pas possible, il dort encore! Chut, plus bas, monsieur. Il dort encore? Oui, monsieur, je n'y comprends rien. Monsieur le docteur, qui est toujours debout à 8 heures, voici qu'il est midi. Eh ben, voilà un osseur de carton. Monsieur a dit. Rien, c'est une réflexion que je me fais. Ah, c'est que j'avais entendu osseur. Ah, pardon. J'ai ajouté de carton. Ah, mais ni de carton, ni autrement. Ah bon, on voit bien que monsieur ne connaît pas monsieur. Mais je lui confierai ma femme, monsieur. Ah, vous êtes marié? Moi, ah non, alors. Non, mais c'est une façon de parler, pour dire que s'il n'y a pas plus de noceur que monsieur. Oui, eh bien, en attendant, si vous donniez un peu de jour ici, il fait noir comme dans une taupe. Oui, monsieur. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a eu, donc? Eh bien, pour du désordre. Mais qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état? Fêter? À moins d'être sous comme tant de tibourique. Ah, bah dites donc, Étienne. Ah non, mais ce n'est pas le cas de monsieur. Un homme qui ne boit que de l'eau de Vichy, et encore il l'allonge, avec du lait. Oh là là là là, qu'est-ce que c'est que ce pouf? Pas élégant. Oh, c'est provisoire. Madame est en train de faire une tapisserie pour. Alors en attendant, on met ce tapis dessus. Non, mais regardez-moi tout ça. Oh, et ça? Oh, un chapeau neuf, monsieur. Eh ben, je ne le dirai pas. Oh, vraiment, moi qui ai la mise bas de monsieur, si c'est comme ça qu'il arrange mes futures affaires. C'est pas de tout ça, je voudrais bien voir votre maître. Il me semble que ce ne serait pas du luxe de le réveiller à cette heure-ci. Dame, si monsieur en prend la responsabilité... Je la prends. Soit, mais alors avec des bruits normaux. Qu'est-ce que vous entendez par des bruits normaux? Ah, c'est monsieur qui les appelle comme ça. C'est par exemple de ne pas aller lui tirer un coup de canon dans les oreilles. Je vous assure que je n'ai pas l'intention... Mais au contraire, de le réveiller petit à petit, par des bruits doux et progressifs. En chantonnant, par exemple. Nous pourrions chantonner, monsieur. Si vous voulez. Alors d'abord, doucement, et puis en augmentant. Il n'y a pas d'air spécial? Oh non, donc, par exemple... Vous connaissez ça? Alors, c'est le solaire que joue madame au piano, alors à force de l'entendre. Eh ben, allons-y. Justement, c'est un air matinal. Alors, doucement, pour commencer. Hein. Mmh. Entendu. Un, deux... Par la fille qui se réveille encore, déjà la jour brille sur son manche en terre. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Quoi ? Chut. J'ai entendu comme un grognement d'animal. C'est monsieur qui se réveille. Ah bon. Petit pont ? Monsieur ? Eh, hey, petit pont ! Eh ben, mon vieux ! Ah, tu ne te lèves pas ? Quelle heure est-il ? Ah, ça me dirait que la voix ne vient pas de la chambre. Mais c'est vrai, ça sort comme qui dirait de notre dos. Mais où es-tu donc ? Bah, quoi ? Dans mon lit ? Mais c'est de là-dessous que ça sort. Mais oui ! Oh ! Eh, papa, qu'est-ce que tu fais là ? Elle est bien bonne. Oh, mais tu m'embêtes. Eh, hey, petit pont. Eh, bah, quoi ? Oh ! Mon ciel de lit qui est tombé. Son ciel de lit. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi ? C'est ça que tu appelles ton lit ? Tu es sous le canapé. Quoi, je suis sous le canapé ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis sous le canapé ? Où ça, le canapé ? Eh ben, tiens, si tu ne le crois pas. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Qu'est-ce qui m'a mis ce canapé sur moi ? Ah, tu ferais mieux de demander qui t'a mis dessous. Allez, retire-moi ça. Oh, que j'ai mal à la tête. Oh, c'est bien ça. Est-ce qu'il fait jour ? Ah oui, ça encore un peu. Mais dépêche-toi si tu veux en profiter. Oh là là là là là là là. Oh mon ami. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Monsieur veut-il que je les laisse lever ? Non, mais tiens, je... Non, monsieur n'a pas l'intention de rester toute la journée par terre. Quoi, par terre, ça me plaît d'y être. Je me suis mis exprès tout à l'heure parce que j'avais trop chaud dans mon lit. Mais ça me regarde. Ah oui, monsieur. Seulement, c'est une drôle d'idée. Et puis ben, maintenant, je me lève parce que ça me plaît de me lever. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous demander la permission. Oh non, monsieur. Est-ce qu'il est grincheux quand il couche sous les canapés ? Oh, tu comprends, c'est assommant d'être vu par son domestique dans une position ridicule. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, monsieur ne veut pas déjeuner ? Ah non ! Oh là là ! Oh, manger, pas. Ça se comprend pas qu'on mange. Bien, monsieur. Ah, où est madame ? Ah, madame est sortie. Elle est allée jusque chez monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Ah, toujours un but de religion, ta femme. Ah oui, elle est surnaturelle. S'imagine-t-elle pas maintenant qu'elle est voyante ? Enfin. Ah bah, c'est bien, Étienne, allez. Oui, monsieur. Oh, il est bien bas. Alors, ça va pas ? Oh. Ah, monsieur veut se lancer dans ce qu'il ne connaît pas. Monsieur se mêle de faire la noce. Serpent, c'est toi qui m'as entraîné dans ces endroits d'orgie. Oh, elle est forte. Mais ce qui me sera jamais venu en tête, moi tout seul, seulement tu t'es dit, voilà un homme sérieux, un savant, abusons de son ignorance. Oh non, mais tu en as de bonnes. Je te dis tout simplement, petit pont, avant de rentrer, je crève de soif. Nous venons de passer 2 heures à faire une opération des plus compliquées. Quand on vient d'ouvrir un ventre, ça vaut bien un boc. Et tu m'as amené où ? Chez Maxime. Un soir de Grand Prix, c'était un coup d'œil curieux. Je t'ai proposé un 5 minutes, c'est pas de ma faute si ce 5 minutes s'est prolongé jusqu'à... Je crois quelle heure au fait. Dieu seul le sait. Ah, bah, tu vas bien, toi. C'est pas pour dire, mais quand l'ermite se fait diable, il y avait plus moyen de te faire déguerpir. Et alors, lâche, tu m'as abandonné. Tiens, mais moi, je suis un osseur réglé. Je coordonne ma noce, tout est là. Savoir concilier ses plaisirs avec son travail, tel que tu me vois et pendant que tu dormais, toi, sous ton canapé. Oh, quelle fichue vie. Oui, ça, je m'en doute. Eh bien, moi, à 8 heures, j'étais à mes malades. À 11 heures, j'avais vu tout mon monde, y compris notre opéré d'hier. Ah, et bien, comment va-t-il ? Ah, c'est fini. Ah, il est sauvé ? Ah non, il est mort. Oh. Ah oui, oh, il était condamné. Bah, je te disais bien que l'opération était inutile. Une opération n'est jamais inutile. Elle peut ne pas profiter à l'opéré, elle profite toujours à l'opérateur. Non, mais tu es cynique, hein ? Je suis chirurgien. Ah non ! Quoi ? Ah non, fume pas, mon ami, je t'en supplie, ne fume pas. Oh, à ce point, mais tu es flappy, mon pauvre vieux. Oh, bah, qu'il dis-tu ? Oh, c'est lendemain de noces, se réveille. Oh, la tête, là. Et puis la bouche, là. Bon. Oh, je connais ça. Oui, oui. C'est ce que nous pourrions appeler en termes médical. La gueule de bois. Ah oui. Oui, en latin, gueula lignée. Ah oui, oui, ou en grec. Je sais pas. Moi non plus. Faut-il que tu en aies avalé pour te mettre dans un état pareil ? Oh, mon ami. Ah, mais tu as donc le vice de la boisson. Non, mais j'ai celui de l'encyclopédie. Je me suis dit, un savant doit tout connaître. Ah, si c'est pour la science. Et alors, tu vois d'ici la suite. Tu appelles ça la suite ? Tu es bien bon de mettre une cédille. Oui, mais en attendant, oh, me voilà fourbu et rinté. Les bras et les jambes cassés, t'es un véritable invalide. L'invalide a la gueule de bois. Oh, c'est malin. Oh mon Dieu, ma femme. Dis-moi, est-ce qu'on voit sur ma figure que j'ai passé la nuit ? Oh, pas du tout. Ah, bon. Oh, non, tu as l'air de sortir d'une veillée mortuaire. Quoi ? Côté du veillé, à part ça. Oh, ce que tu es agaçant, toi, avec tes plaisanteries. Mais, attends, si je me... Écoute, mon vieux, n'essaie pas, tu chantes faux. Ah, te voilà, tu es levé. Ah bah, tu en as fait une grosse matinée. Bonjour, mon chéri. Bonjour, Gab... Oh, Brielle. Bonjour, monsieur Mongicourt. Madame, votre serviteur. Oh, mais regarde-moi donc. Ah bah, t'en as une mine. Ah ? Ah, tu trouves? Ben oui, je sais pas ce que j'ai ce matin. Je pense que je me sens tout chose. Mais tu es vert. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Ce qu'il a, il a de la gueule lignée, hein, madame. Hein? Oh, mon Dieu, que dites-vous là? Oui, madame. C'est grave? Oh, je réponds de lui. Oh, merci. Mon pauvre ami. Alors, tu as de la gueule alignée? Bah, je sais pas, tu vois, c'est mon gicourt. Oh, mais il faut te soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre? Peut-être qu'un réconfortant. Un peu d'alcool. Ah non! Oh non, pas d'alcool. Oh, mais alors, docteur, quel remède? Mon Dieu, madame, en général, pour cette sorte d'indisposition, on préconise l'ammoniaque. L'ammoniaque? Bon! Ah, non, tu veux me faire prendre de l'ammoniaque, toi? Mais actuellement, votre mari est dans la période décroissante. Ah, bah, tant mieux. Des tisanes, du thé avec du citron, voilà ce qu'il lui faut. Ah, bah, je vais tout de suite en commander. N'est-ce pas? toi, tu sais. Oh, qui m'aurait dit que tu travaillerais dans cet état, quand ce matin tu dormais d'un sommeil si paisible. Tu l'as même pas senti quand je t'ai embrassé. Hein? Tu. Quoi, tu? Tu m'as embrassé? Oui! Dans mon lit? Eh ben oui, quoi! Tu dormais enfoui sous tes couvertures, je t'ai embrassé sur le peu de front qui émergeait de tes draps. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Oh, rien. Je vais chercher le thé! C'est ça! Elle m'a embrassé dans mon lit et je dormais sous le canapé? Oui. Mais comment expliques-tu ça, toi? Je cherche. Mon Dieu, est-ce que je serais somnambule? Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai rien dit. Ben si, tu fais... Oh. Ah, c'est pas moi. Comment c'est pas toi? Ben tiens! Ah oui? Mais ça vient de ma chambre! Mais absolument! Attends, je ne rêve pas, il y a quelqu'un par là! Oh! Bonjour les enfants! Qu'est-ce que c'est que celle-là? Eh ben mon vieux, tu vas bien! Ah, mais pas du tout! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais madame, qu'est-ce que ça signifie? D'où sortez-vous? Comment d'où que je sors? Bah, tu le sais bien. Ah, mais je ne vous connais pas. Ben, voilà une idée. Mais pourquoi êtes-vous dans mon lit? Comment, pourquoi que j'y suis? Non, mais t'en as une santé. Dis-donc, elle a connu. Il me demande pourquoi que j'y suis dans son lit. Mais non, mais absolument, quoi. J'ai le droit de savoir. Ah, oh, mais ne ris donc pas comme ça, toi. C'est pas drôle. Mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous ici? On se croirait chez le juge d'instruction. Qui que je suis? Eh ben, la môme cravate, parbleu. La danseuse du Moulin Rouge? Tu l'as dit, Bouffi. Ah, c'est mourant! Avec ça, tu ne le savais pas, le vieux bébé! Puisqu'on s'est pochardés tous deux et qu'il m'a ramené à son domicile. Comment? Moi, je. C'est moi qui. Oh, dis donc, c'est bien chez toi! Oh mon Dieu! Quoi? Mais alors, le baiser sur le front dans mon lit, c'était la môme crevette? C'était la môme! Gabriel a embrassé le front de la môme crevette. La vie est pleine de surprises. Ben quoi? Non, mais en v'là des poires! Et allez-vous, c'est pas mon père! Mais allez-vous-en, madame, voyons, on peut venir! Moi, je suis un homme sérieux, vous ne pouvez pas rester ici! Je t'adore! Quoi? Adieu, Grenade la charmante! Mais y a pas de Grenade! Voulez-vous vous rhabiller? Oh mon Dieu, Gabriel! Ta femme! Ah non, cachez-vous, ne vous montrez pas! Allez, venez là, Mais cachez-vous donc! Voilà le thé! J'ai envoyé Étienne acheter un citron! Ma femme! Madame Petitpon, ma femme! Sa femme, Madame Petitpon! Eh ben quoi, tu me présentes au docteur maintenant? Madame, enchantée! Mais non, je dis, tu me laisses pas, je vais. Madame Petitpon, ma femme, tu ne trouves pas qu'on étouffe ici, hein? Ici? Oui, si. Allez, allons prendre l'air, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est sur cette chaise? Quoi? Cette étoffe? On dirait une robe. Oh! Dans un chat, la robe de l'amour. Allez, boum! Oh, mais oui, bah, voilà une idée d'apporter ça dans ton cabinet. Puis quand c'est-il là? Je sais pas, j'ai pas remarqué ça. Ça n'y était pas cette nuit. Il me semble que c'est ce matin, hein. Mais n'est-ce pas, mon Gicourt, on a apporté ça, ce... Bah, dis donc quelque chose, toi. Oui. Ça doit être une erreur. C'est pas pour ici, je vais le renvoyer. Mais pas du tout, c'est pas une erreur. Seulement, c'est une drôle d'idée d'apporter ça chez toi. Comment? Moi, pendant ce temps-là, j'écris une lettre à cheval à ma couturière. Attends. Mais oui, elle devait déjà me livrer cette robe hier, alors moi, ne voyant rien venir. Ah, ça, c'est le bouquet. Mais non, c'est pas possible. Alors, je te connais, tu n'aurais pas choisi une robe si claire. Viens, allez, donne ça. Tu es brutal. Tu sais bien que je ne choisis jamais. Je dis à ma couturière, faites-moi une robe. Elle me fait ce qu'elle veut, je me rapporte à elle. C'est un peu clair, c'est vrai. Oui, c'est... Bon, on va la faire teindre, hein? Mais voyons à la fin. C'est un peu clair, mais une fois n'est pas coutume. T'as une façon de manipuler les toilettes. Oh, mais si on les laissait entre tes mains, vrai? Eh ben, c'est du joli. Confisquer la robe. Oh, non, mais tu ris, toi, hein? Qu'est-ce que nous allons faire? Ben, elle est partie! Oh, l'autre à présent! Dis donc, tu m'avais pas dit que tu étais mariée, toi, en v'là un petit vicieux! Oui, mais enfin, je ne suis pas ici pour écouter vos appréciations. Il s'agit de filer et un peu vite. Oh, c'est pas pour dire. T'étais plus amoureux hier soir. Oui, eh ben, moi, je suis comme ça le matin. Allez, dépêchez-vous. Oh, tu peux me dire tu? Oui, bah vous êtes bien bonne, allez, dépêchez-vous. Mais tu bois donc tu, je te dis tu, t'as l'air d'être mon domestique. Oh, et ben dépêche-toi, là, prénom d'un chien. Voilà, bonheur. Hein? Et Phil? Ah, et Phil, vois-tu ça, oh, mais tu m'as pas regardé, mon petit père. Je suis habitué à ce qu'on ait des égards avec les femmes. Ah, oui, eh ben, c'est bon, va t'en donner. Combien? Quoi? Ah bah oui, quoi, il n'y a pas à mâcher les mots, ça perd du temps. Tu es une femme d'argent, je te dois une indemnité pour ton dérangement. Combien? Oh, vrai, t'es un peu muf, tu sais. T'as une façon. Oh, si j'avais seulement pour deux sous d'idéal. Oui, ben, comme tu n'en as pas. Me vends pas, moi, tu sauras. Bon, hein, bon, alors ça va bien. Je te remercie, alors. Et à une autre fois. Oh, mais j'accepte un petit cadeau, ce qui n'est pas la même chose. Ah, oui, tu acceptes. Oh, ben, merci. Qu'est-ce que doit penser monsieur? Oh, moi, tu sais, je suis bronzé. Enfin, il s'agit de ma tranquillité. Je n'y regarderai pas. Tiens, voilà 40 francs. 40 francs, oh, c'est pour la bonne. Hein? Ah ben, je sais pas, moi, c'est pour les deux. Oh, tu rigoles? Ah bon? Ça ne te suffit pas? Eh ben, vrai, c'est ce que je prends, moi, une visite 40 francs. Ah bah oui, mais Dieu merci, moi, je suis pas médecin. Non, mais pour qui que c'est que tu me prends? Pour qui que c'est que tu me prends? Oh non, mais qui que c'est qui t'a appris le français? Quoi, qu'est-ce que t'as l'air de chiner, toi, hein, bidon? Tu sauras que si je veux, je parle aussi bien français que toi. Ah. C'est en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. Si le ciel en naissant ne l'a créé poète, mon histoire, messieurs, les juges, sera brève. Oh, matin, bah, du oui, classique. Mon cher, oui. Et je pourrais t'en débiter comme ça à la file. Moi, t'as l'air de croire parce que je parle rigolo. C'est le milieu qui veut ça. Et tu sauras que j'ai fait des classes, moi. Je suis de bonne famille, tout comme tu me vois. J'en parle pas parce que ça ne sert à rien. Mais si je suis pas institutrice, c'est qu'au moment où j'allais passer mon brevet supérieur, je me suis laissée séduire par un gueux d'homme qui avait abusé de mon innocence pour m'entortiller de belles promesses. Non. Oui, il m'avait promis le collage. Oui, ben c'est pas intéressant, mais tu nous raconteras tes mémoires une autre fois. Tout ça, c'est pour dire qu'on n'offre pas 40 francs. Oui, ben c'est bien. Fais ton prix et finissons-en. Mais qui que c'est-il qui te demande de l'argent, mon gros poulot? Ouh, le gros poulot. Ah non, voyons. Ah, tu veux qu'on se trotte, on se trottera. Bah, à la bonne heure. Ouais, je comprends, parbleu, si t'as légitime me trouver là. Bah, évidemment. Et gueulerait. Bah, oui, et gueule. Oh, entendre ces choses-là. Eh ben, on y va. Et comme tu veux absolument me faire un petit cadeau, eh ben, tiens, ma robe que j'avais hier. Je la dois, tu la paieras. V'là tout. V'là tout, bah, ça, c'est délicat. Ah oui, ça. Enfin, quand on est dans une impasse. Ouais. Combien ta robe? 25 louis. Quoi, 500 francs? Oh, comme tu comptes bien. Allez, voyons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Merci. Y en a pas deux? Bah non, quoi. Bon, et maintenant, file. Hein. Bon, bah c'est ça. Ah, ma robe. Oui, ma robe. Hein? Bah comment ta robe? Eh bah oui, quoi, ma robe. Ah non, c'est inutile, y en a pas, tu es très bien comme ça. Allez, va, file. Oh non, mais t'es marteau, tu penses pas que je vais me balader dehors en liquette? En quoi? Euphémisme veut dire en chemise. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Attention. Tiens, mets dans ce petit tapis. Oh, bah jamais de la vie, bah on veut un piquet, je la veux ma robe. Oui, bah je l'ai pas ta robe, elle est plus là, il y en a plus. Comment elle est plus là? Eh ben où c'est qu'elle est? Qui c'est qu'il a? Quoi? non, ce français. Ah, bah c'est ma femme qui l'a prise là, tu l'as pas entendu tout à l'heure? Comment c'était de ma robe que disait ta femme? Eh ben mon salaud, t'as pas peur, donnez ma robe. Si tu crois que je l'ai fait faire pour ta femme, une robe de 25 louis. Enfin quoi après? Bah, j'espère bien que tu vas me la rembourser. Comment? Mais je viens de te la payer. Bah tu me l'as payée pour que je la garde, pas pour que je la donne. Non, bah alors, ça fait deux robes? Eh ben oui, celle que tu me donnes et celle que tu me prends. Ça me paraît bien raisonné. Eh ben elle est raide celle-là. Oh, le ciel, ma femme. Non, cache-toi. Je t'en supplie, cache-toi. Allez, vite, cache-toi. Elle est dans tout le temps fourré ici, ta femme. Cache-toi donc, mon Antoine. Oui, cache-toi donc. Oh. Là-dessous. Mais je peux pas, y a le pouf. Mais vas-y donc, mon chien, mais vas-y donc. Mais attends, bouge pas. Il profite de ce qu'elle est à quatre pattes devant la table pour la couvrir du tapis de celle-ci. Après quoi, il s'assied sur son dos comme il ferait sur le pouf. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Mais c'est... Oh. Oh là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, docteur? Vite, la gueule qu'il reprend. Oui, là, la gueule. Tenez-le bien, ne le lâchez pas. Non. Oh, Lucien, mon ami. Oh, mais il est trop lourd. Hein? Oh, mon Gicourt, venez le prendre, j'en puis plus. Ah non. Pas toi, pas lui. Mais c'est que tu es un peu lourd, tu sais. Ça fait rien. Oh là. Tourne-moi au nord, voyons, mais tourne-moi au nord. Mais au nord, mais où ça, le nord? Mais non, ça c'est le midi. Dans les crises, il faut toujours tourner au nord. Mais tourne-moi au nord. Mais est-ce que je sais où il est, le nord? En face du midi. Oh, essayons-nous, j'en peux plus. Monsieur Mongicourt, avancez-moi le pouf qui est derrière vous. Ah non, pas le pouf. Mais c'est pour nous asseoir. Mais je veux rester debout, moi. Oula. Mongicourt, tu m'as entendu? Enlève le pouf, oui, je le veux pas voir le pouf. Que j'enlève le pouf. Mais bah oui, quoi, enlevez le pouf puisqu'on vous le dit. Enlevons le pouf. Il saisit la môme crevette, toujours en chien de fusil, sous son tapis, et la porte dans la chambre. Oh. Ah ben, ah. Ça... Ça... Oui. Voilà, ça y est. Ah, bon, ça va mieux. Oui, oh, oui. Oui. Oh, bah, tu m'as fait peur. Oh, bah, tu vois, ça, c'est passé. C'est une crise, c'est comme ça, c'est très violent. Puis tout d'un coup, là, plus rien. Allez. N'est-ce pas, hein? Bah, dis-donc quelque chose. Voyons. Ah, oui, tout d'un coup, plus rien. Et puis... Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Oh, pour que ça ne te reprenne pas, mon Dieu. Ah, ça. Tiens, voilà le thé. Merci. Hein? Oh, vois-tu tout ça? Je crains bien que ça ne soit le ciel qui t'ait puni de ton scepticisme. Quoi? Quand tu te moquais de moi hier à propos du miracle de Houille, je t'ai dit, tu as tort de ne pas avoir la foi. Ça te portera malheur. Le miracle de Houille, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne lisez donc pas les journaux? Sainte Catherine est apparue dernièrement à Houille, à une famille de charbonniers. Bah, c'était de circonstance, à Houille. Évidemment. Oh, ne faites donc pas les esprits forts. Et depuis, tous les soirs, la sainte réapparaît. C'est un fait, ça. Il n'y a pas à dire que ça n'est pas. Et la preuve, c'est que je l'ai vue. Vous? Moi. Elle m'a parlé. Non. Elle m'a dit... Ma fille, le ciel vous a choisi pour de grandes choses. Wow. Bientôt, vous recevrez la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission que vous aurez à accomplir. Allez. C'est ça. Va, ma grosse, et débarrasse-moi de ma tasse. Non, mais il est venu, le séraphin? Je l'attends. Oui, eh ben, tu as le temps d'attendre. Oh là là là là! Oh, non, chien, là. Mais zut quoi, ça va durer longtemps. Tu crois aux apparitions, toi? Moi, j'y cours, elle croit aux apparitions. Ça dure quelque chose, toi, voyons. Elle croit aux apparitions. Taisez-vous. On l'a parlé par là. Mais non, j'ai pas entendu. T'as entendu, mon Gicourt? Pas du tout, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Il n'a rien entendu. Mais j'en suis sûr, moi. Mais non. C'est dans la chambre. Mais non. C'est moi qu'on appelle. Mais non. Oh, nous allons bien voir. Non. Mais, oh, mais si, mais... quoi. Ah, mon Dieu. Oh, nom d'un chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Là, vous ne voyez pas? Non. Oh, voyons, c'est pas possible. Je rêve pas. Attends, j'en aurai le cœur net. Arrête. C'est pour toi que je viens, Gabriel. Ces profanes ne peuvent me voir. Pour toi seule, je suis visible. C'est possible. Ma fille, prosterne-toi. Je suis le séraphin dont tu attends la venue. Le séraphin. À genoux. Hein? À genoux. Pourquoi à genoux, vous autres. Pourquoi à genoux? Non, le séraphin est là. Vous ne pouvez le voir, mais je l'entends. Je le vois. Il me parle. Pas de mal, on a une santé. À genoux. À genoux. Voilà le citron. Mais chute donc. Oh, ben quoi donc? Taisez-vous. Et à genoux. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Oh, est-il possible? Quoi? Vous aussi? Vous voyez? Ah ben oui, je vois là comme une espèce de loup-garou. Mais malheureux, c'est un séraphin. Chut. Rendez grâce au ciel qui vous met au nombre de ses élus. Ce que vous voyez et ce que je vois, aucun de ces messieurs ne le perçoit. C'est pas possible. À genoux et écoutez la parole d'en haut. C'est pas de refus? Je mélange le citron? Mais oui, quoi? Votre citron! Je t'écoute, oh mon séraphin. Gabriel, je viens d'en haut exprès pour t'enseigner la haute mission qui t'est réservée. Oh, quel aplomb. Femme, tu m'écoutes? Je suis tout oreille. Tu vas te lever sans perdre un instant. D'un pas rapide, tu iras jusqu'à la place de la Concorde, dont tu feras 5 fois le tour. Ah, je comprends. C'est pas bête. Puis tu attendras à côté de l'obélisque jusqu'à ce qu'un homme te parle. Recueille pieusement sa parole. Car de cette parole te naîtra un fils. À moi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ce fils sera l'homme que la France attend. Il règnera sur elle et fera souche de roi. Est-il possible? Oh, mais elle parle comme un livre. Va, ma fille, pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. Pour mon fils, pour mon roi, pour la patrie. Va. Et emmène le domestique. Sur la place de la Concorde. Non, de la chambre. Sur ce, à la prochaine. Et que nul ne franchisse d'ici ce soir le seuil de cette pièce. Moi, je m'évanouis dans l'espace et regagne les régions célestes. Piouf! Oh, parti. Il est parti. Vous avez entendu? Mais non. Non. Ah, oh, ça c'est curieux. Oh, que n'as-tu pu entendre? Oh non, Ça a pris. Écoute, Lucien, les moments sont précieux. Le Séraphin est venu, il m'a parlé. Je sais de lui ce que le ciel attend de moi. Oh, mais quoi, tu me fais peur. Place de la Concorde, là-bas, près de l'obélisque. Un homme doit me parler. Un homme ? De cette parole, me naîtra un fils. Malheureux. Il sera un roi, Lucien. La France l'attend. Il le faut. Le ciel le veut. Mon Dieu. Oh, songe que c'est d'une parole, tu ne peux être jaloux. Ta susceptibilité d'époux ne peut s'affecter d'un fils qu'engendre une parole. Mais ce fils ne sera pas de moi. Qu'importe, puisqu'il n'est pas l'un autre. Mon Dieu, qu'exigez-vous de moi? Pense que tu seras père de roi. Moi, je serai à la place de monsieur, je dirais oui. C'est la patrie qui attend ça de toi, petit pont. C'est ça. Venez à mon aide, persuadez-le. Lucien, mon Lucien. Oh mon Dieu, ma volonté faiblit. Quelles sont ces voix qui me parlent? Ces visions lumineuses qui étendent vers moi leurs bras suppliants. Oh, tu vois, tu es touché de la grâce. Cède, implore ces voix pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. Pour la patrie. Pour la patrie. Pour la patrie. La voix du séraphin. Tu l'as entendu? Ah oui, j'entends, je vois, je crois, je suis désabusé. Allez, va, je ne résiste plus, je consens, je cède pour mon fils, pour mon roi, pour la patrie. Pour la patrie. Allons. Va et emmène le domestique. Ah oui, venez, Étienne. Pour la patrie et j'emmène le domestique. Eh ben, mon vieux. Ah, oh, ça, c'est raide. Plutôt. Allez, non, c'est pas mon père. Ah, ben non, tu sais, tu en as un tout père. Plains-toi donc. Mon ingéniosité te tire une rude épine du pied. Enfin, c'est égal, le rôle que tu nous fais jouer. Le fils qui lui naîtra à place de l'obélisque. Ah, vous que je suis bien dans les apparitions. Ah, ça le fait, cette mise en scène, ce drap lumineux. Mais qu'est-ce que tu t'étais donc fourré pour être lumineuse comme ça? La lampe électrique est à côté du lit, alors allumée sous le drap. Et l'auréole? La carcasse de l'abat-jour. Ah ben c'est ça, elle a détraqué mon abat-jour. Ah ben qu'est-ce que tu veux, on n'est pas outillés pour les apparitions. Oui, et ben maintenant ma femme est partie, tu vas faire comme elle. Je dis pas non, vais-moi. Quoi? Vais-moi. Donne-moi un vêtement, quoi. Vais-la. Ah, vais-moi. Ah, mais comment veux-tu que je la vête, hein? Ma femme a la manie de tout enfermer. Ah, oh, bah mon vieux, arrange-toi, hein. Oh, mon Gicourt. Mon ami. Écoute, veux-tu descends. Cours jusqu'au premier marchand de nouveautés, rapporte-nous un manteau, enfin, un cache-poussière, n'importe quoi. Entendu, je vais et je reviens. Ben, moi, je vais voir dans mon armoire si je trouve pas une robe de chambre, enfin, quelque chose que tu puisses mettre en attendant. Bon. Hein? Oui, puis surtout, ne te fais pas voir. Non, hein? Non. Hein? Si ma femme ou quelqu'un venait, file dans ma chambre, hein, et cache-toi. Bon, hein? Prie. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh non, ce qu'ils sont rigolos tout de même. C'est égal, ils ont une façon de pratiquer l'hospitalité. Ils finiraient par me faire croire que je suis trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on vient par ici, allons au bon du monde. Oh bah me v'là bien. Oh bah, demande à qu'est-ce qu'il y a, ça ne ferme pas. Oh, caleton. Annoncez son nom, le général Petitpont du Grélé. Oui, monsieur. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez dans la porte? Entrez. Oh non, monsieur, oh non, je peux pas. Mais pas, pourquoi ça, vous ne pouvez pas? C'est l'archange qui l'a défendu. La quoi? L'archange. L'archange? Qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Oh, mon général ne peut pas comprendre, ça c'est des choses supérieures. Ah ben dis donc, t'es encore poli, toi. Sauf votre respect, mon général, que mon général veuille bien chercher monsieur dans cette chambre, ou dans l'autre. Quoi, dans cette chambre? Où ça, dans cette chambre? Il n'y est pas. Ah, monsieur est quelquefois sous les meubles. Il est fou, c'est un fou, quelquefois sous les meubles. Allez, rampez! Oui, mon général. A-t-on jamais vu quelque chose sous les meubles? Ah, il n'est pas dans la pièce. Allons voir dans l'autre. Personne? J'entends plus rien. Rien du tout, personne nulle part. Oh! T'es encore couché sous les draps? À cette heure-ci? Oh, attends un peu, toi. Oh! Chameau! Pardon! Oh! Oh, mais c'est ma nièce, Dieu me pardonne! Quoi? Oh, faites pas attention, un oncle, c'est pas un homme. Bonjour, ma nièce. Bonjour, monsieur. Je suis le général baron Petitpont du Grélé. Vous ne me connaissez pas parce qu'il y a 9 ans que je n'ai pas quitté l'Afrique. Mais mon neveu a dû vous parler de moi. Votre neveu? Oui. Comment il me prend pour... Eh ben voilà, c'est moi. Très coquin, je lui ferai mes compliments, mon neveu, vous savez. Je ne sais pas quels idiots m'avaient dit qu'il avait épousé une vieille toupie. Des toupies comme ça, c'est dommage qu'on ne nous en fiche pas quelques escouades dans les régiments. Oh, général. Ah, je dis comme je pense. Oh, général, il est très galant, le militaire. Mais vous n'êtes pas malade que vous êtes encore couché? Du tout. J'ai fait la grasse matinée et j'attendais pour me lever qu'on m'apportât un vêtement. Oh, tâte un vêtement. Oui, tâte un vêtement. Et maintenant, vous savez ce qui m'amène, vous avez reçu ma lettre. Non. Elle est partie? Non. Et qu'est-ce qu'elle fiche dans la poste? Enfin, vous la recevrez. Elle sera inutile puisque j'aurais plus vite fait de vous dire la chose tout de suite. Vous connaissez ma nièce Clémentine? Non. Si, Clémentine Bourré. Bourré? Oui, que j'ai adopté d'abord de ses parents. Mon neveu a dû vous parler d'elle. Ah, Bourré, Bourré, oui. Clémentine. Clémentine, mais voyons Clémentine, là, la petite Bourré. Oui, ben voilà. Oui, j'ai besoin d'une mère pendant quelques jours pour cet enfant. Une jeune mère. J'ai compté sur vous. Sur moi? Ah, je crois que je ne pouvais pas trouver mieux. Vous comprenez, moi j'ai beau être général, je dis rien de ce qu'il faut pour être une mère. Ah non, ah non, ça, ah non. Je ne sais même pas si je saurais être père. Oh. Ah, et au-delà, veux-je dire, du temps qu'il est nécessaire pour le devenir. Oh, c'est un peu gaillard, ce que je viens de dire. C'est un peu gaillard. Oh, ça ne me gêne pas. Oh, bravo. Ah, moi j'aime les femmes honnêtes qui ne font pas leur mijaurée. Bref, pour en venir à Clémentine, vous comprenez si seulement j'avais eu encore ma femme. Mais ma pauvre générale, comme vous savez, n'est-ce pas? Ah, j'ai jamais tant regretté. Alors, n'ayant pas de femme pour elle, je me suis dit, il n'y a qu'un moyen, c'est lui trouver un homme. Oh, général. Quoi? Il faut bien la marier. Ah, c'est pour le mariage. Bah, naturellement, pourquoi voulez-vous que ce soit? Ah oui, ah bah oui, évidemment, évidemment. Et voilà comment la petite épouse dans 8 jours, le lieutenant Corignon. Corignon? Du 12e dragon? Oui, vous le connaissez? Si je connais Corignon en bain! Ah, comme c'est curieux! Et vous le voyez souvent? Oh, je vous dirais que depuis que je l'ai lâché... Que vous l'avez lâché? Que je l'ai lâché de vue, général. Ah, perdu de vue, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oh, ben, lâché, perdu. C'est kiff, hein. Ce qu'on lâche, on le paie. Oui. Et ce qu'on paie... On le lâche! C'est évident, hein, c'est évident. Vous êtes un rigolo, vous! Ah, je suis un rigolo, vous savez, je suis un rigolo. Eh bien, ce Corignon, je l'ai eu longtemps sous mes ordres en Afrique, avant qu'il permute. Bon soldat, vous savez, de l'avenir. Ah! Ah oui, avec ça, du coup d'œil, de la décision, c'est un garçon qui marche bien. Ah oui! Mais je suis enchanté que vous soyez de mon avis. Ce coquin Corignon, vrai, ça me redonne un béguin pour lui. Et alors voilà, le mariage a lieu dans 8 jours, demain, contrat dans mon château en Touraine, et je viens vous demander, sans façon, à vous et à mon neveu, de m'accompagner. Je vous le répète, comme je vous l'ai écrit, il me faut une mère pour cet enfant, et une maîtresse de maison pour faire les honneurs. Me refuserez-vous votre assistance? Moi? C'est rigolo. Est-ce qu'on dit? Oh, ben je ne sais, le docteur... Oh, votre mari, lui j'en fais mon affaire. Oh, ma foi, c'est trop farce, la môme crevette faisant les honneurs au mariage de Corignon. Oh non, rien que pour voir sa tête. Eh ben j'accepte, général. Ah, dans mes bras, ma nièce. Oh, c'est beau, la famille. Je ne sais pas où cet animal détient la forêt, ma robe de chambre. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a là, donc? Ah, ben te voilà, toi. Nom d'un chien, mon oncle. Là, le bouquet. Mon oncle. C'est mon oncle! Oh, c'est pas possible! Mon oncle du Grélé, c'est mon oncle! Eh ben oui, quoi! C'est moi! Embrasse-moi, que diable! Qu'est-ce que t'attends? Hein? Ah ben voilà, j'allais vous le demander! Oh mon Dieu, et la môme, en chemise dans mon lit! Oh mon oncle! Oh non, ce que je me marre! Ah ben si je m'attendais, là, depuis 10 ans! N'est-ce pas, c'est ce que je disais, il va avoir une de ses surprises! Ah ça, oui, pas une surprise! Mais il n'a pas changé depuis 10 ans, l'animal! Toujours le même! En plus vieux! Ah ben vous êtes bien aimable, vous! Ah ben vous savez, si je m'attendais, là! Oui, oui, tu l'as déjà dit! Hein? Ah oui, en effet, oui! Tel que tu vois, j'arrive d'Afrique avec ta cousine Clémentine! Ah oui! Ah ben si je m'attendais! Oui, c'est entendu! Oh, il se répète, bon neveu! Et vous n'êtes pas pour longtemps à Paris, hein? Non, non! Non, je pars tout à l'heure! Ah, parfait. Comment parfait? Ah ben non, c'est une façon de parler. Bon, je me suis accordé un congé de 15 jours que je passe en Touraine, le temps de la marier, cet enfant. Et à ce propos, j'ai besoin de toi. Tu es libre pour 2 ou 3 jours. Mais il n'est d'affaire que je ne remette pour vous être agréable. Non, ne me plotte pas. Tu n'as qu'à répondre oui ou non sans faire de phrase. C'est pas parce que je suis l'oncle à héritage. Je suis pas encore mort, tu sais. Non, mais ça n'est pas pour vous presser. Eh bien, avant de me le dire. Donc, je vais t'annoncer une nouvelle. Tu pars avec nous ce soir. Moi? Oui, on ne dit pas non, c'est entendu. Ah bon? Et ta femme vient avec toi. Ma femme? Oh, mais elle sera ravie. Je sais, elle me l'a dit. Elle vous l'a... Qui? Mais ta femme. Boum. Ma femme? Où ça? Quand ça? Qui ça, ma femme? Mais elle. Hein? Elle? Elle, ma femme? Ah non, ça, non, alors. Comment non? Ah non, non, vous avez été bonne. Elle, ma femme? Ah bah jamais de la vie. Ah, qu'est-ce que tu me chantes? C'est pas ta femme, elle, que je trouve chez toi, couchée dans ton lit, au domicile conjugal. Qu'est-ce que c'est, alors? Eh bah, c'est... Enfin, c'est pas ma femme, là. Ah, c'est comme ça. Ah bah, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je sonne les domestiques, qui me diront, eux, si madame n'est pas ta femme. Non, faites pas ça. Ah, tu vois donc bien que c'est ta femme. Oh mon Dieu, monsieur l'engrenage. Eh bah, ma foi, tant pis, puisqu'il le veut absolument, c'est... Ah Mais qu'est-ce qui te prend, t'es malade? On peut rien vous cacher. Eh ben oui, là, c'est ma femme. Je savais bien. Après tout, pour le temps qu'il passe à Paris, autant le laisser dans son erreur. Tu en as de bonnes, ça n'est pas ta femme. Et à ce propos, laisse-moi te faire des compliments. Ta femme est charmante. Oh, général, Si, je dis ce que je pense, moi, je dis ce que je pense. Figure-toi qu'on m'avait dit que t'avais épousé une vieille toupie. Oh, mais qu'est-ce qu'il a pu vous dire, ma pauvre Gabrielle, comment t'arrange? Entrez! Mais non! Monsieur! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On n'entre pas! Oh, je le sais, monsieur. Oh, c'est-à-dire que si tu le fais rentrer, tu seras malin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des vêtements que l'on apporte de chez la couturière pour madame. C'est bien, donnez. Tiens, on a encore une preuve que madame est ta femme. Ces vêtements qu'on apporte pour elle. Hein? Elle m'avait dit qu'elle les attendait pour se lever. Et voilà. Donnez, mon enfant, allez vous habiller. Merci, mon oncle. Ça, elle lui donne les robes de ma femme. Oh là là, je vais avoir l'air d'une ouvreuse, moi, avec ça. Enfin, ça vaut encore mieux que rien. Mon oncle. Ma nièce. Mon oncle, elle a tous les toupets. Non, voulez-vous tirer les rideaux? Voulez-vous tirer les rideaux? Mais... Mais comment non? Ah, elle est charmante, ma nièce, charmante! Est-ce qu'elle va en faire un effet en Touraine? Est-ce qu'elle va les révolutionner, les bons provinciaux? Ah, ça, j'en ai peur! Ah, voilà tout ce que j'ai pu trouver. Oh, pardon. Mongicourt, mon Dieu, pourvu qu'il ne gaffe pas! Mon oncle, je vous présente mon vieil ami et confrère, le docteur Mongicourt, le général baron Petit Bourg du Grelais. Ah, non, général, enchanté! Et moi de même, monsieur, et moi j'ai, de même! J'ai souvent entendu parler de vous! Et moi de même, monsieur, et moi de même! Bon, ça, général, vous n'en mettriez pas votre main au feu! Mon Dieu, ma main au feu! Ma main au feu! Et vous savez, ce sont des choses qu'on aurait bon barbolité! C'est bien ainsi que je l'ai compris! Et vous êtes pour longtemps à Paris, général? Ah. Non, je pars en Touraine pour marier une nièce à moi. Ah. Au fait, je ne t'ai pas dit qui elle épouse, tu vois, comme c'est curieux. Le lieutenant Corignon. Ah. Ouais, le Corignon que tu connais. Moi? Oh non. Mais si. Ah. Ta femme m'a dit que vous le connaissiez. Ah, elle vous... Mais oui. Ah, bon, bien, parfait. Oh, tout ce qu'on voudra maintenant, tout ce qu'on voudra. Comment, ta femme, elle est donc là? Non. Oui. Oui, elle est couchée par là, elle se lève. Oui. Ah, mais ça, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pardon, général, voulez-vous me permettre de dire un mot en particulier à mon ami Petit Pont? Mais faites-donc. C'est au sujet d'un de nos malades, secret professionnel, vous m'excusez. Je vous en prie. Ah, ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est ta femme qui est couchée maintenant? Oh non, c'est la môme, il est tombé sur elle. Alors, naturellement. Oh, malheureux, je comprends. Oh, je suis jolie. Mon Dieu, la voix de ma femme. Ah, non, j'en sortirai pas. Elle. Non. Oh. Ah, c'est fait. J'ai accompli ma mission. Oh, pardon. Cher ami, mon oncle, général Petit Pont du Grelais. Ah, le général. Ah, que je suis heureuse. Hein? J'ai si souvent entendu parler de vous. Moi de même, madame. Moi de... Elle est très aimable, cette brave dame. Ah, je vous demande pardon, général, mais je suis tout essoufflée. Mais soufflée, madame, soufflée. Ah, mes amis, j'en viens de la place de la Concorde. C'est fait. Il m'a parlé. Qui ça? Celui dont la parole doit féconder mes flancs. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, Dieu, où la volonté d'en haut va-t-elle choisir ses élus? Il y avait une demi-heure que j'attendais en tournant autour de l'obélisque, quand tout à coup, du haut des Champs-Élysées, arrive à fond de train, au milieu d'un escadron de la garde républicaine, le président de la République dans sa Victoria. Je me dis, palpitante d'émotion, le voilà bien celui que le ciel devait désigner pour engendrer de sa parole l'enfant qui sauvera la France. C'est une folle. Voyant en lui l'homme marqué par le destin, je veux m'élancer vers l'équipage, mais déjà un bras m'a arrêté. Comme le vent, au milieu d'un cliquetis d'armes, le président a passé, sans même jeter un regard sur moi. Et c'est de la bouche du plus humble que je reçois la parole fécondante. Allons, circulez, madame. L'élu d'en haut était un simple gardien de la paix. Allons donc. Quelle drôle de maison. Ah, cette journée m'a brisée. C'est ça. Eh bien, vous devriez vous reposer un peu. Oui, c'est ça. Après de telles émotions, le général vous excusera. Oui, j'ai besoin de me recueillir quelques instants. Vous permettez, général? Mais comment donc? J'espère que, puisque vous êtes à Paris, que nous allons vous revoir souvent. Eh non, mille regrets, madame. Je pars ce soir pour mon château de la Membrane, en Touraine. Oh, vraiment? Oui, il est temps qu'on le rouvre un peu, celui-là, depuis 10 ans qu'il est fermé. On dit déjà dans le pays qu'il est hanté de revenants. Ah, et ça ne vous effraie pas? Mais est-ce que ça existe, les revenants? Oh, n'importe, je ne voudrais pas être à votre place. Allons, au revoir, général. Madame. Je vous laisse avec mon mari. Oh! Son mari. Ah, ça avait marché si bien. Oh, monsieur, je vous demande pardon. Je ne me doutais pas que j'avais affaire à madame votre femme. Ma Mais c'est la faute à mon neveu. Il ne m'a pas dit le nom en présentant. Hein? Ah, mais non, pas du tout. Mais quoi, pas du tout, quoi, pas du tout. Absolument si, c'est ma faute, mon oncle a raison. Mais ça ne m'est pas venu en tête. J'aurais dû vous dire, Madame Mongicourt. Mais ben voilà, voilà, le mal est réparé. Il est réparé, le mal. Oh, flûte. Je vous fais mes compliments, ça a l'air d'une bien aimable personne. Mais certainement. Seulement ça, c'est ce qu'on appelle une vieille toupie. Oh non, mais ça c'est de mauvais goût de me répéter ça tout le temps. Oh, non, non, comme ami, soit, mais passer pour son mari, c'est vexant. Là, je suis prête. Ah, voilà ma nièce. Oh non, ce que je dégote comme ça. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, quel est drôle. Et allez donc, c'est pas mon père. Elle me va tout à fait, ta femme. Un petit gavroche. Mais un voyou, oui. Il est tard, je me laisse aller à bavarder et mon train que je dois prendre dans une heure. J'ai encore deux courses à faire avant. Alors c'est bien convenu. À 4h05, à la gare. C'est ça, mon oncle. Ah, ça ne t'est pas désagréable que je l'embrasse? Oh là là, oh ben c'est... Ah, votre mari permet? Ah, oh, alors D'ailleurs, si j'ai le temps, je repasserai vous prendre, c'est ça, hein? Rendez-vous ici. Ah ben c'est ça, mon oncle, c'est entendu. Mais non, à la gare, ça vaut mieux. Mais non, ça vaut mieux ici, comme ça on ne se manquera pas. Oh non, j'en suis pas encore débarrassé. Oh ben, monsieur, enchanté, vous m'excuserez auprès de madame mon... Gicourt. Oh, vous avez le temps, c'est pas autrement pressé. Ah non, Gicourt, mon Gicourt, c'est mon nom. Pardon, je comprenais, oui, mon Gicourt, merci. Alors, à tout à l'heure, vous autres. Attends-toi, mon nom. Attends-toi, ma nièce. Et allez donc, c'est pas mon père. Et allez donc, c'est pas mon père, bravo, mon nom. Charmante, ma nièce, tu entends le mari? Elle est charmante, ma nièce. Ah ben, tu entends le mari? Oui, elle est oui. Charmante, des toupies comme ça, ben. Au revoir. Oh là là. Ouf. Mais qu'est-ce que j'entends? Vous partez avec lui? Oui. Avec la môme? Avec moi. Eh ben, mon vieux. Ah, tu me mets dans le joli drap, toi. Que le diable t'emporte d'être venu te fourrer dans ma vie. Oh, le pied dans le crime. Eh, si seulement il y avait eu crime. Mais enfin, je ne te connais pas. Tu n'as pas été à moi. Je n'ai pas été à toi. Mais c'est que c'est vrai, on n'a pas été à nous. Eh ben alors, de quel droit viens-tu troubler mon existence? Voilà, marié à toi, maintenant. Ah, tu t'embêtes pas. Et moi, madame Petitpont. Eh, comme c'est agréable pour moi. Eh ben, pour moi. Si encore tu avais eu le tact de décliner son invitation en Touraine. Mais non. Alors, quelle tête vas-tu faire là-bas, au milieu de ces bourgeois de province, dans ce monde collé-monté avec Oustiki et Kistiki et allez donc, c'est pas mon père. Oh non, mais je t'en prie, engueule-moi. Ah ben, c'est ça, voilà. Bon, n'aie donc pas peur, tu verras s'il leur en ficherait du comme il faut. Enfin, ça y est, je ne demande qu'une chose, de la tenue. Au nom du ciel, de la tenue. Mais quoi, j'en ai de la tenue. Ah oui, oh là, ça, tu en as de la tenue, oui. Bon, et maintenant, attends aux 3h30 en bas devant la porte d'entrée. Entendu. Bonjour, là, monsieur. Et allez donc, encore. Allez, va, file. Ma femme peut entrer d'un moment à l'autre. Oh, bah quoi, je suis dans une tenue convenable. Je suis mise comme une femme honnête. Oh, c'est égal, elle a pas de chic, ta femme. Au revoir, bidon. Au revoir, l'amour. Au revoir, vieux vicieux. Ah, mais laisse donc, on est tranquille, toi. Adieu, grenade. Tiens, toi, où est-elle en vrai, celle-là? Bah, encore vous, Étienne. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Il y a là deux hommes qui apportent un fauteuil avec une manivelle. Il dit que c'est quelque chose que monsieur attend. Ah, oui. Faites t'apporter par ici. Et qu'est-ce que c'est que ce fauteuil qu'on t'apporte? Tu te meubles? Moi non, c'est le fameux fauteuil extatique, la célèbre invention du docteur Tunequin. J'ai vu les expériences à Vienne lors du dernier congrès médical et je me suis décidé à me l'offrir pour ma clinique. Ah, oh, bah tu te mets bien. Non, mais tu es destiné à l'avoir aussi. Nous sommes tous destinés à l'avoir, nous autres médecins. L'avenir est là, comme aux aéroplanes. Ces rayons X, on ne sait pas toutes les surprises que ça nous réserve. Et ça n'est encore que l'enfance. Quand on pense que jusqu'à présent, on endormait les malades avec du chloroforme, qui est plein de dangers, et toujours pénible. Tandis que maintenant, avec ce fauteuil... Entrez, moi je n'entre pas. Ah, posez ça là, voulez-vous? Ah, tu vois, le voilà. Oui. La bobine, là, sur la table. Bon. Ah, dites donc les gants, vous avez apporté les gants? Oui, monsieur, là, dans cette boîte. C'est bien, merci. Tenez. Voilà, 5 sous, vous partagerez. Merci, monsieur. Des gants, mais quels gants? Ben, des gants de soie, des gants isolateurs. Tiens, tu vois, tu n'as qu'à introduire la fiche qui est au bout de ce fil dans la mâchoire placée au dossier du fauteuil. Ouais. Tu appuies sur ce bouton et la communication est établie. Comme ça, tu l'arrêtes. Alors voilà, tu vois, tu places ton malade... Oh bah tiens, vas-y donc, toi, tu te rendras mieux compte. Ah non, ça je te remercie bien, mais vas-y. Mais non, puisque c'est moi qui te démontre. D'ailleurs, ça n'est pas comme opérer que j'aurais à m'en servir, mais comme opérateur, alors. Non, mais je te dis pas, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, ces choses-là, je les aime beaucoup mieux pour les autres que pour moi. Quoi, j'ai pas l'intention de t'endormir. C'est pour te faire voir le fonctionnement du fauteuil. Ben oui. Tu me crois pas? Si. Eh ben alors. Soit, mais alors tu sais pas de blague, hein. Oh non, bon, je te dis, voyons. Ouais, enfin. Là. Eh ben, hein. Ah oui, on est pas mal du tout. Hein? Parbleu. Alors, n'est-ce pas, suivant que je veux mon malade plus ou moins étendu, je fais fonctionner cette manivelle-là. Oui, hein? Puis comme ça, je te renverse. Pas peur, voyons. Puis comme ça, je te remets droit. Ah oui, connu. Et alors maintenant, quand il s'agit d'endormir le malade, je presse sur ce bouton. Ah oui, mais tu sais... Alors immédiatement, mon cher, le patient, sous l'influence du fluide, tombe dans une extase exquise. Et alors, ça y est, insensibilité complète. Tu as tout ton temps, tu peux charcuter, taillader, ouvrir, fermer, tu es comme chez toi. Tu ne trouves pas ça épatant, hein? Hein? Ah ben, dis donc quelque chose. Mais, sapristi, qu'est-ce qu'il a? Mangicourt! Mangicourt! Oh, sapristi, je l'ai endormi. Oh non, moi je... Oh non, oh, ça, il faut que je fasse voir ça à Gabriel. Gabriel! Gabriel! Tu m'appelles? Allez, vite, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, regarde-le. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ce qu'il fait, il dort. Comment? Il s'est endormi chez toi? Oh non, tu ne devines donc pas. Ah oui, c'est le fauteuil extatique. Mais oui, ben regarde, c'est étonnant. Oh, que c'est curieux. Mais alors, c'est toi qui... C'est moi qui, parfaitement. Oh, ce pauvre Mangicourt. Ah non, qu'il est drôle comme ça. Non, ne le touche pas, ne le touche pas. Tu t'endormirais aussi. Oh, pas possible. Non, mais regarde-le. Il a l'air d'être en paradis. Hein. C'est que c'est vrai. Il n'y a pas de mots. Il jubile. Gabriel, je te présente un homme qui jubile. Oh, c'est merveilleux. Oui, eh ben, il a assez jubilé pour aujourd'hui. Faut pas le fatiguer. Allez donc. Belle princesse, dites-moi que vous m'aimez. Non, tu vas te taire, hein. Quoi? Je dis, tu vas te taire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, non? Il y a eu que tu as dormi. Non. Si. Non, moi? Eh ben, pas moi, bien sûr. C'est pas possible, tu m'as... Ah, ben, elle est forte, là, j'ai rien senti. Hein? Et ça, c'est admirable. Oh, mais j'en redemande. Ah, non, ben voilà, gourmand. Mais ma parole, c'est étonnant. Non, mais croyez-vous que c'est précieux pour les opérations? Je n'en viens pas. Ah, dis donc, à propos d'opérations. Dis qu'on prépare tout de suite ma valise, il faut que je file dans un quart d'heure. Allons, bon. Ah, ma chère amie, de te voir avant tout. Oh. Une opération très urgente. Oh, c'est bien, qu'est-ce que tu veux, ce sont les inconvénients de la profession. Je vais faire préparer ta valise. S'il te plaît. Les battus en un et tout. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, je peux pas aller là-bas avec deux femmes, hein. On n'est pas des Turcs. Monsieur? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux messieurs dont voici des cartes qui demandent à s'entretenir avec monsieur en particulier. Qui ça? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils disent comme ça qu'ils viennent au sujet de l'affaire de cette nuit. De l'affaire de cette nuit? Allons, bon, qu'est-ce que c'est encore que cette affaire-là? Mangicourt. Mon ami. Mais voilà encore autre chose, on vient pour l'affaire de cette nuit. Quelle affaire, mon ami? Mais je ne sais pas, mais... Oh là là là là là là. Étienne, faites entrer ces messieurs. Eh ben, je te laisse, hein, puisque tu as à recevoir ces gens. Bah, c'est ça, va. Oh, mon ami, voilà une nuit dont je garderai le souvenir. Oh, je comprends. Allons, au revoir. Hein. Au revoir. Messieurs. Messieurs, qu'est-ce qui me vaut votre visite? C'est bien à monsieur Petitpont que nous avons l'honneur de parler. À lui-même. Je suis monsieur Marollier, lieutenant au 8e dragon. Monsieur Varlin. Agent d'assurance, incendie, vie, accident, etc., etc. Si vous voulez me permettre... Trop monsieur... aimable. Enfin, dans le cas où vous ne seriez pas assuré, je vous recommanderais... J'en prie. Vous n'êtes pas ici pour faire du commerce. Ah, pardon, je repasserai. Asseyez-vous, messieurs, asseyez-vous. Vous devinez sans doute, monsieur, ce qui nous amène. Mon Dieu, messieurs, non, j'avoue que je ne vois pas. C'est au sujet de l'affaire de cette nuit. De l'affaire de cette nuit? Eh oui. Non, mais pardon, mais quelle affaire de cette nuit? Comment quelle affaire? Vous n'allez pas nous dire que vous ne vous souvenez pas? Oh, mais du tout, monsieur. Il est vrai que l'état d'ivresse avancé dans lequel vous étiez... Monsieur, Mais d'ailleurs, monsieur, notre rôle n'est pas de discuter l'affaire avec vous. Veuillez nous être simplement en rapport avec deux de vos amis. Avec deux de mes amis? Comment avec deux de mes amis? Alors, si je vous comprends bien, il s'agit d'une réparation. Eh bien, je ne dis pas non, mais vous ne voulez cependant pas que je me batte sans savoir pourquoi. Enfin, voyons, vous. Oh, moi, je m'en fous. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Mais en voilà des façons. Si c'est comme ça que vous prenez les intérêts de votre client. Oh, pour ce que je le connais, il était à côté de moi chez Maxime. Vous savez ce que c'est, on s'est parlé entre deux consommations. Oui, bon, ça va bien. Alors là-dessus, l'affaire a eu lieu. Comme il ne connaissait personne... Oui. Il m'a demandé si je voulais être son second témoin. C'est pas plus malin que ça. Oh, mais c'est bien, ça suffit. Monsieur, après les invectives plus que violentes échangées cette nuit, vous nous voyez chargés par notre client. Non, mais encore une fois, quelles invectives? Comment, quelles invectives? Mais il me semble que lorsque le seul fait de dire à quelqu'un « je vais vous casser la gueule » Oh non, c'est pas possible. Oh, que je suis désolé. Alors dites bien à votre client que si ces paroles m'ont échappé, c'est contre ma volonté. Et que du fond du cœur, je les retire. Non, vous ne pouvez pas les retirer. Comment je ne peux pas? Non, c'est mon client qui vous les a dites. Hein? Eh ben, elle est forte, celle-là. Comment c'est lui qui m'a dit? Et il vous envoie? Oh, mais il ne vous conteste pas le rôle de l'offense. Ah, ben, il est bien bon. Enfin, c'est une plaisanterie. Enfin, voyons, vous. Oh, moi, je m'en fous. Oui, alors, je sais, vous vous en... Non, mais est-ce que vous croyez que je vais me battre avec votre monsieur parce que c'est lui qui m'a insulté? Si vous ne vous battez pas quand on vous insulte, quand donc vous battrez-vous? Ah, ça, monsieur, j'en suis juge. D'ailleurs, monsieur, inutile de discuter plus longtemps. Ce débat est tout à fait irrégulier entre nous. Mais et votre démarche, à vous, est-elle régulière? Où avez-vous vu que ce soit l'offenseur qui envoie des témoins à l'offensé? Ah, non, mais vous n'avez pas à m'en montrer, n'est-ce pas? J'en suis pas à mon premier duel. Je suis médecin, monsieur, moi, alors, hein? Oh, mais pardon, monsieur. J'estime, moi, qu'en matière de duel... Non, monsieur, pardon, je vous ferai remarquer, moi... Permettez, monsieur, je vous dirai moi aussi... Il n'y a pas de « je vous dirai moi aussi ». Je prétends que quand je... Oh, et puis il m'embête. Oh. Voilà. Il ne fichera la paix, maintenant. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il a? N'en faites pas attention, il m'agaçait, je l'ai fait taire. Oh, c'était pas tant. Mais c'est vrai, ça. Oh, voilà, mal embouché. Allons, jamais vu que... Mal embouché. Tu crois que tu me fais peur? Je suis comme son client, non? Mais je vous demande un peu ce que c'est que son client. C'est un officier. C'est un officier. Le lieutenant Corignan. Le lieutenant... Quoi? Corignan? Corignan? Ah bah ça, ce serait fort, mais qu'est-ce que c'est ce Corignan? Est-ce que ce n'est pas un officier qui va se marier? Ben, je crois que si. Il me semble qu'il m'a dit... Ah, celle-là est cocasse. Corignan, mais c'est mon cousin. Votre cousin? Enfin, il va le devenir, comme le monde est petit. Mais qu'est-ce qui lui a pris après moi? Pourquoi cette affaire? Ah, ben, parce que vous étiez avec une femme qu'il a aimée. Et il se marie, c'est vrai. Mais je crois que ça, c'est plutôt un mariage de raison. Hein. Et que celle qu'il a, comme on dit, dans la peau, c'est la petite qui était avec vous. La môme crevette. Alors, quand il vous a vu ensemble, ça lui a tourné le sang, et il a dit, en ce thème-là, je le crèverai. Ah ben, ouais, si c'est pour ça... Mais oui, monsieur, mais oui, attendez, je vais vous annoncer. Lieutenant Corignan. Comment lui? Lui? Le docteur Petitpont. Oui, c'est moi, monsieur. En effet, monsieur, je vous reconnais. Oh, monsieur, combien je suis confus. Cette seule altercation de cette nuit... Mon Dieu, si j'avais su que c'était vous, au moment d'entrer dans votre famille, quelle vilaine façon de se présenter. Oh, mon cousin. Non, monsieur, remettez-vous, monsieur, remettez-vous. Pardonnez-moi, mais c'est quand je vous ai vu cette nuit attablé avec la môme. Ah, oui. Vous savez ce que c'est, quand on a aimé une femme. Oh, c'est fini maintenant, mais la nuit, quelquefois, on est éméché, on aperçoit son ex avec un autre, on a oublié qu'on a fini de s'aimer et on voit rouge. C'est ce qui m'est arrivé. Oui, c'est ce que monsieur me disait. Monsieur... Marlin. Monsieur. Votre second témoin. Pardon, oui. Je ne vous remettais pas. C'est qu'il y a si peu de temps qu'on se connaît. Mais en effet, c'est cette nuit. Oh, combien je suis désolé de cet envoi de témoins ridicule. Comment de témoins ridicules? Non, je parle de l'envoi. Ah, bon. J'espère que vous n'allez pas me tenir rigueur et que vous allez me serrer la main que je vous tends... En agréant mes excuses les plus sincères. Non, voyons, je vais tout oublier. Ah, je ne saurais vous dire le poids que vous m'enlevez. À la bonne heure. Au moins, ce n'est pas un ours comme l'autre. Ah, tiens. Mais c'est Marolier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Comment il pionce dans les affaires d'honneur? Non, mais je vais vous le rendre. Oh, la l'œil fulaire. Mais qu'est-ce que vous faites là, Marolier? Vous dormez? Comment je dors? Comment je dors? Corignan, vous ici, chez votre adversaire, mais ça ne se fait pas, c'est absolument incorrect. Mais ne faites pas attention, je me suis expliqué avec Monsieur Petitpont, tout est arrangé. Vous? Ah, mais je n'admets pas ça, n'ayez pas voix au chapitre. En vérité? Absolument, enfin, vous nous avez commis le soin de vos intérêts. Eh bien, je vous les retire. Corignan! Ah, et puis en voilà assez, hein? Si vous n'êtes pas content, je suis âme à vous répondre. Ah bah, la bonne heure, a-t-on jamais vu? Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Je dis ce qui me plaît. Ah, puis vous savez, si vous n'êtes pas content, hein, il est homme à vous répondre. C'est bien, monsieur, ça ne se passera pas comme ça. Hein? Moi? Non, lui. Ah, lui? Oh. Je vous salue, monsieur. Au revoir. Non, mais est-il grinchu, cet animal-là? Ça? Oui. Oh, mais je le mâterai s'il m'embête. Parfaitement, c'est ce que je lui ai dit. Ah, mais je ne me suis pas gêné. Faune, nom d'une pipe, 3h30. Et les autres qui doivent venir me chercher. Messieurs, je suis désolé, mais j'ai à prendre le train. Oh, que nous disiez-vous? Vous partez? Eh oui, je pars avec votre futur oncle pour la Touraine. Au fait, je vous y retrouverai, il est probable. Ah, c'est vrai, vous allez là-bas. Ah, moi, je ne pars que... Je n'ai pu obtenir congé plus tôt. Ah, bien, je suis bien heureux. Je vous y reverrai. C'est ça. Alors, au revoir, mon cousin. Ah, mais c'est vrai. Au revoir, mon cousin. Monsieur, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Oh, pas plus que moi, croyez bien. Et si jamais pour une assurance vous avez besoin, on ne sait jamais, hein, on peut mourir. Ah, bah, vous êtes trop aimable de me le rappeler. Apparez-vous, je vous prie. Là. Ah, et maintenant, Gabriel, Vite, Gabriel! Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Allez, vite, je suis follement en retard, ma valise. Elle est prête, tu la trouveras dans l'antichambre. Ah, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que c'est que ça, cette lettre-là? C'est pour moi? Ah non, non, c'est une lettre pour moi, je la lirai tout à l'heure. Ah bon? Et mon chapeau, mon paletot? Dans ton cabinet de toilette! Bon, j'y vais. Je la lise maintenant, ma lettre. Oh! Eh bien, elle est bien bonne. Le général qui nous demande d'aller en Touraine pour le mariage de sa nièce et qui me prie d'y venir faire les honneurs. C'est un peu curieux, ça. Il était là tout à l'heure et il ne m'en a pas ouvert la bouche. Comment faire? Oh, Lucien qui est obligé de partir. Nous ne pouvons cependant pas nous abstenir tous les deux. Oh, ma foi, seul ou avec lui, j'irai. Voilà, je suis pas... Ah, Lucien, tu ne devinerais jamais de qui je reçois cette lettre. Oui, oui, oui, eh ben, tu me diras ça une autre fois, je suis en retard. Au revoir, ma bonne amie. Mais non, mais écoute donc, voyons, faut que tu saches. Mais non, ma chère amie, je te dis que je n'ai pas le temps. Pourquoi il n'est pas encore descendu? Oh, nom d'un chien, voilà mon oncle. Allez, viens, viens, viens par là, tu me liras ça dans ta chambre. Mais non, mais à quoi bon, nous sommes aussi bien ici. Mais non, allons, viens. Mais laisse-moi donc, voyons. Oh, tu me fais chaud. Oh, bon, quand on n'a pas le choix des moyens. Il est par là, vous dites? Nom d'un chien, cachons-là, ce tapis. Ouf, il était temps. Ah bah, voyons, voilà 10 minutes que nous t'attendons en bas. Mais voilà, voilà, je suis à vous. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien, rien, c'est une pièce anatomique. Hein? Mais, ah non, non, non, n'y touchez pas! Pourquoi? Elle sèche, on vient de la repeindre. Hein? Mais allez, allez, descendez, quelque chose à prendre, je vous rejoins. Bon, bon, mais ne sois pas long! Non, hein? Non, non! Ah, bon Dieu, je peux pourtant pas le laisser dans cet état pendant toute mon absence. Mais attendez donc, mon ami, je vais le dire à monsieur. Mais puisque je vous dis qu'il m'attend... Quoi? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est, laisser entrer? Ah là, quand je te le disais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, le balayeur de la rue Royale. Quoi, le balayeur? Quel balayeur? Qu'est-ce que vous demandez? Comment est-ce que je demande? Je viens dîner. Quoi? Vous m'avez invité à dîner. Moi? Moi, je vous ai invité à dîner? Mais absolument. J'étais en train de balayer cette nuit rue Royale. Vous passiez au bras de votre dame. Vous êtes venu m'embrasser. Oh. Et vous m'avez dit, ta tête me plaît, veux-tu me faire l'honneur de venir dîner demain chez moi? Hein? Même que voilà votre carte, que vous m'avez remise. Moi, je... Oh. Oh, ma foi, tant pis, c'est lui qui me tirera de là. C'est bien, tenez, mon ami, voilà, 40 sous. 40 sous? Oui, je vais dire qu'on vous fasse dîner à la cuisine. À la cuisine, en chouette, ça. Oui, seulement, seulement, vous allez me rendre en service. Mais allez-y, patron. Voilà, je vais m'en aller. Aussitôt que je serai parti, vous presserez sur ce bouton, hein, qui est là, sur ce fauteuil. Oui. Et pour le reste, ne vous occupez pas de ce qui se passera. Hein? Bon, bon, bon, compris. Eh ben, voyons! Voilà, mon oncle, voilà. C'est entendu? Mais c'est entendu. Bon, merci. Voyons. Il a dit le bouton là. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, je suis aveugle. Oh! Oh mon Dieu, quel est cet homme? Je suis le balayeur que vous attendez pour dîner. Au secours! Lucien! Étienne! Étienne! Mais je suis le balayeur que vous attendez pour dîner. Qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Au secours! Mais je suis le balayeur que vous attendez pour dîner! Mais je suis le balayeur que vous attendez pour dîner! Petit Pont et la Môme ont donc pris le train avec le général. Et l'acte 2 se passe en Touraine, au château du Grélet, dans le grand salon du rez-de-chaussée qui donne sur le parc. Tous les invités sont là, Petit Pont et la Môme, le général et sa nièce Clémentine, la duchesse, la baronne, toutes ces dames et tous ces messieurs, prêts à écouter la chorale enfantine que dirige l'abbé. Et le pays gardera la mémoire, et le pays gardera la mémoire de l'heure de félicité, licité qui réunit ici dans l'antique manoir. Gâteaux à ses enfants et qui sont forts jusque-là. Oui, mon nom, par ici les gars. Ah, monsieur l'abbé, je vous fais tous mes compliments. Oh, madame, vraiment. Ah, très bien, monsieur l'abbé. Oh, vraiment. Oh, délicieux. Exquis. Divin. À pleurer. Oh, oui, vous trouvez. Oh, oui. Oh, oui, vraiment, l'abbé, c'est touchant. Et d'une délicatesse. Oh, oui. Oh, madame la duchesse, vous me comblez. Non, oui, c'est, oh, mesdames, messieurs. Oh, monsieur l'abbé, merci. Je ne saurais vous dire combien j'ai été touché. Vraiment, cette manifestation, tout ça était si imprévu. Aussi, vous me permettrez à mon tour de... Émile! Mon général? Et descendez les, la chose, là, vous savez? Bien, mon général. Allez, oh, allez! Oh, général, je suis confus. Voulez-vous bien vous taire? C'est moi, au contraire, l'abbé. Vrai, ces paroles, bien qu'en musique, m'ont été au cœur. Oh, général. Parole, je leur trouve un air de bonne amie et de sincérité qui m'a littéralement ému. Je me suis dit, il n'y a que l'abbé pour avoir écrit ça. Quelqu'un me demandait, est-ce que ça n'est pas du Musset? Je lui ai répondu, mais non, c'est de l'abbé. Je suis heureux d'être tombé juste. Oh, général, vraiment, je ne mérite pas. Si, c'est très bien. C'est comme cette fin, là. Et que Dieu vous bénisse, à vos souhaits, comme pour un rhume de cerveau. Ah, oui. Ah, et puis, comment donc déjà, là, le pays qui gardera la mémoire... De l'heure de félicité... Licité... Qui réunit ici, dans l'antique manoir... Dans l'antique manoir... Comment manoir? Ça prend donc un nœud, manoir. J'ai toujours écrit sans eux. Voilà. Mais c'est pour la rime, licence poétique. Ah voilà. C'est que j'aime autant vous le dire, je ne suis pas poète. Ce qui fait que quand je prends une licence, moi, elle est prosaïque. Ah, bravo, mon général, bravo. Mon général a un esprit. Voilà l'objet. Messieurs, au champ. Monsieur l'abbé, permettez-moi à mon tour de vous témoigner ma reconnaissance en vous offrant cette cloche dont je fais hommage à l'église de votre village. Elle est peut-être un peu culottée, mais elle a cet avantage d'être un objet historique. Rapportée de Saint-Barth de Venise par les soldats du général Bonaparte, elle fut offerte à mon grand-père, qui devint général de l'Empire. Ah. Et maintenant, si elle n'est pas plus grande, c'est que les soldats avaient précisément choisi la plus petite. Attendu qu'une cloche est un objet plutôt encombrant à trimballer en secret, et surtout en voyage. J'ai dit... Bravo. Oh, général, mon émotion, je ne sais comment vous dire... Paul, laissez-moi vous embrasser. Allez-y, l'abbé. Oh, je vous dis pas que ça vaudrait une jolie femme. Mais pour un ecclésiastique, n'est-ce pas? Sur mes joues, l'abbé. C'est bien, posez la cloche sur cette console. Et rompez. Ah, voilà mes nièces. Ça va-t-il comme vous voulez, mes nièces? Oui, mon oncle. Oh, oui, mon oncle. Ah, quoi, oui, mon oncle, c'est pas toi que je le demande, ça, non? Je dis, eh bien, mes nièces, t'es pas ma nièce. Ah, non, je regrette. Ah, moi, merci, une nièce de ton âge. T'es déjà assez vieux comme neveu. Oh. Je voudrais un peu, est-ce qu'il devrait pas être mon cousin? Clémentine, je vois avec plaisir que vous faites bon ménage, hein, les deux cousines. Oh, oui, mon oncle. Tant mieux, bon sang. Tu sais ce que je t'ai dit, Clémentine? Tu as ta cousine, profite-en. Oh, oui, mon oncle. Oh, mais ne répondons pas toujours oui, mon oncle, comme une serinette. Tu ne sais donc pas dire autre chose, sacré nom des lieux. Oh, mon oncle. Comme dit monsieur l'abbé. Moi, mais au général. Elle a bien besoin que vous la dégourdissiez un peu. Oh, mais c'est entendu, mon oncle. Tout à l'heure, nous nous éclipserons un moment et je lui donnerai quelques conseils élémentaires. Bravo. Ce sera du joli. Non, vraiment? Le percepteur a répondu ça au capitaine de gendarmerie. Comme je vous le dis, duchesse. Oh, c'est à envoyer à un journal de Paris. Il n'y a vraiment que chez nous qu'on a de l'esprit. Oui. C'est positif. Guy? Vous désirez quelque chose, duchesse? Oh, rien. Je voudrais que mon fils apporte un verre d'eau. Maman? Non, c'est vrai. C'est à vous, ce grand-fils? Oui, madame. Mais oui. Oh, Jésus. Ah, ça grandit. Et ce qui m'inquiète, c'est l'idée de l'envoyer à Paris. Et quel besoin? Mais que voulez-vous? Il faut qu'il travaille. Malheureusement, il ne sait rien. C'est un crétin. Alors, n'est-ce pas, il va faire de la littérature. Ah oui? Ah, c'est évident. Tout le monde sait plus ou moins écrire. Voilà, voyons cette farce. Mais je conviens que pour cette carrière, il est utile que mon fils vive à Paris. Et c'est ce qui m'inquiète. Le voici majeur, en possession par conséquent de la grosse fortune que lui a laissée son père. Oh. Il est très faible. Avec ça, on devient un petit homme. Oh, c'est que c'est vrai qu'on devient un petit homme. Nous savons toutes ce que c'est que la chair. Oh oui. S'il lui arrive de tomber sur une de ces femmes, innommable comme il en est. Oh, du sèche. Le pauvre enfant sera mangé. Oh, ne m'en parlez pas, oh. Oh, quand j'y pense. Oh, mais que vois-je, votre verre est vide. Permettez-moi de vous débarrasser. Oh, mais laissez-nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les pompiers de la commune dont on m'a annoncé la visite. Oh. Mesdames et messieurs, si vous voulez que nous allions à leur rencontre, allons, viens, toi, petit jour. Mais mon oncle, c'est ah, que... Ah, oui, j'ai entendu ta femme. Eh ben, tu l'embêtes, ta femme. Allons, viens. Ouh, et allez donc, bravo, madame Sauvaret. Ah. Embrasse-moi. Hein? Embrasse-moi donc, imbécile. Oh, oui, madame. Oh, eh ben, c'est donc si désagréable. Oh non, madame. Bon, j'ai un béguin pour toi, tu sais. Oh. Tu viendras me voir à Paris. Mais hein? Votre mari. Eh ben, il sera pas là, ne t'occupe pas de lui, tu viendras. C'est très chic chez moi, tu sais. Oh. Le petit Zirigoui à sa maman. On n'est pas bien comme ça. Oh, si. M'embrasse-moi donc, grand Hugo. Oh, madame. Hein? À la bonne heure. Oh. Oh, sapristi. Votre mari, lâchez-moi! C'est rien, fais pas attention! Mais lâchez-moi, voyons! Oh, malheureuse, mais tu es folle! Si un autre vous avait vu! Hein? Oh non, dis, tu vas pas recommencer! Enfin, voyons, mais c'est une tenue, ça! Avec monsieur sur tes genoux! Où voulais-tu que je le mette? Mais nulle part! Que diable, quand tu seras à Paris, tu feras ce que tu voudras, mais au moins pendant que tu es ici, je t'en supplie, au nom du ciel, observe-toi! Oh, ben il est pas méchant! Mais je vous en prie, mon cher duc, soyez raisonnable pour elle. Je vois que vous êtes au courant, je peux vous parler à cœur ouvert. Mais je comprends très bien, parbleu, vous êtes jeune et elle est jolie, mais quoi, à Paris, vous aurez bien le temps! Songez donc à l'effet que ça ferait si le général ou quelqu'un d'autre. Oh, mais comment, monsieur? Mais je comprends très bien. C'est vrai, il a raison, madame. Bon, laissez donc, il est d'un col et monté. Oh, par exemple, je suis d'un collet monté, j'en appelle au duc. Ah, bah non, ça écoutez vraiment, on peut pas lui reprocher. Ah, bah là, je suis pas fâché que monsieur le duc te dise. Oh, laisse-moi donc tranquille, monsieur le duc ne sait pas comme moi. Mais si, monsieur le duc se rend très bien compte. Chut, tu montes. Ah. Au nom d'un chien, Gabriel. Quoi? C'est Gabriel. Allez, viens. Mais quoi, toi, mais ça t'emmerde pas, mais viens, bon Dieu, mais viens. Oh, mon duc, hein, mon petit. Oui, ça va bien. Et bah, qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, ben. Oh, j'ai subjugué une femme du monde. Je fais des béguins. Oh, si je pouvais raconter ça à maman. Elle qui a toujours peur que je tombe sur une famille innommable. Tenez, mon ami, portez tout ça dans la chambre qui m'est réservée. Dans la chambre? Mais laquelle? On n'attend personne. Comment laquelle? Il n'y a pas une chambre pour madame Petitpont? Ah, si. Eh ben, c'est bien. Faites-y monter mes colis. Ah, bien, madame. Oh, j'ai subjugué une femme du monde. Oh, pardon, madame. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi d'être en costume de voyage. Je descends le chemin de fer et je me doutais pas qu'il y ait déjà une réception ce soir. Madame, vous êtes tout excusée. Le général n'est pas là? Il est dans le parc avec ses invités, mais il va revenir. Parfait. Je vais en profiter pour aller voir si on monte mes bas. Au revoir, belle madame, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce tocasson? J'aime mieux madame Petitpont. Messieurs les pompiers de la Membre, c'est toujours une profonde émotion pour un vieux militaire qui, par conséquent, j'ose le dire sans forfanterie, aime les militaires, de voir réunis devant lui dans un même élan tout un groupement de militaires. Oui, qu'est-ce que je voulais donc vous dire? Je ne sais plus. Moi. Ah oui, je vous salue, messieurs les pompiers. Je salue votre drapeau en la personne, si j'ose dire, de votre bannière, ornée d'autant de médailles que la poitrine d'un brave. Comme disait Napoléon à Austerlitz... Attendez donc, était-ce bien Austerlitz? Non, c'était un d'ailleurs peu importe. À quoi bon les souvenirs historiques? À quoi bon avoir recours aux paroles des grands quand on peut puiser en soi-même? J'aime mieux vous dire tout simplement ce que mon cœur me dicte. Merci, messieurs! Vive les pompiers de la Membrolle! Vive la France! Et au revoir! Il y a du vin et de la bière pour vous, là-bas, sous la tonnelle. Allez! Et comme on dit au régiment, tâchez moyen de ne pas vous pocharder. À la bonne heure. Oh, c'était charmant. Oh, délicieux. Et allez donc, c'est pas mon père. Bravo, madame Poulot. Tiens, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas parisienne, moi aussi. Mais où sont nos ménières? En général, je viens de voir madame Petitpont se promener avec mademoiselle Clémentine dans le parc. Parfait, lui donne sa leçon de parisianisme. Général, je sais bien une chose qui ferait plaisir à tout le monde. Quoi donc? Quoi? Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Il paraît que madame Petitpont est excellente musicienne. Yes. Mais parfaitement. Et qu'elle chante à merveille. Oh, il faut lui demander de chanter. Oh, ce serait si gentil si elle voulait bien. Oui, la moindre des choses. Quelques couplets, une romance. Je vous promets, dès qu'elle sera là, de le lui demander. Là, mes mal sont montés. Où est donc le général? Général, quelle est donc cette dame? Quelle dame? Ben, là. mais c'est la dame que j'ai vue hier, c'est mon neveu. Pardon, messieurs, vous n'auriez pas vu le général? Le général? Ça, mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Mais le voilà. Ah, c'est juste. Je ne l'ai pas invité, moi. Oh, général. Chère madame, que c'est aimable à vous. Non, excusez-moi, général, de me présenter ainsi. Je descends du train. J'ignorais qu'il y eut ce soir réception. Mais madame, comment donc? Certainement, je vous en prie. Oh, oh, mais je vais aller m'habiller. J'ai déjà fait monter mes malles. Ben, allez, sans façon. J'aurais bien voulu vous amener mon mari. Malheureusement, il n'a pu m'accompagner. Il vous prie de l'excuser. Ah, il vous prie de... Oh, comment donc, comment donc? Mon Dieu, vous auriez peut-être pu trouver une autre personne de votre famille. Non, j'avais personne. Non, c'est regrettable. C'est regrettable, vraiment. Non, mais moi, vous pensez bien que je me suis fait un devoir. Aussi, malgré ce que vous m'avez raconté, des revenants qui hantent ce château. Ah, oui, c'est vrai. Vous croyez ces choses-là? Mais ça n'existe pas, les revenants. Ah, oui, enfin, je suis venue, c'est le principal. Général. Madame. Pouvez-vous me présenter à ces dames? Assez, mais comment donc, mais avec plaisir. C'est bien les papettes. C'est que je ne me rappelle pas du tout le nom qu'on m'a dit en me la présente. Oh, ma foi, tant pis. Mesdames, je vous demande la permission de vous présenter cette dame. Seulement, je ne me demandais pas son nom, je ne me le rappelle pas. Je n'ose pas le lui demander parce qu'il y a des gens qui s'avexent. Tout ce que je sais, c'est que c'est une excellente amie de ma nièce, Madame Petitpont. Une Parisienne? Oui, une Parisienne. Oh, mais nous sommes enchantés. Mais comment donc? Mesdames, voulez-vous me permettre de vous présenter, Madame Taratata, n'importe quoi, ce que vous voudrez. Comment? Madame Vinoba. Oh, Madame enchantée. Mais c'est moi, Madame, qui... Et elle est donc, c'est pas mon père. Ah. Madame Sauvarel. Madame enchantée. Ah, Madame, vraiment. Et elle est donc, c'est pas mon père. Hein, elle aussi. Madame Outillon. Madame. Madame enchantée. Et nous allons voir un peu si celle-là aussi... Et elle est donc, c'est pas mon père. Ah, ça y est, ça doit être un usage en Touraine. Madame enchantée. Mesdames Claude et Virette. Mesdames. Madame. Et elle est donc, c'est... Pardon. Je vous ai fait mal. Oh, non, non, du tout. C'est moi qui... Rien. Eh bien, il faut venir en province pour voir ça. Et enfin, notre excellente amie, l'abbé Chantreau. Ah, madame, très honorée. C'est moi, monsieur l'abbé. Et allez donc, c'est pas mon père. Le clergé aussi. Oh, ça, c'est tout à fait curieux. Vous m'excuserez, mesdames, de me présenter dans cette tenue, mais je descends de chemin de fer. Mais oui. Ah, et puis, à la duchesse. Ma chère duchesse, voulez-vous me permettre de vous présenter à madame Taratata, n'importe quoi ce que vous voudrez. Madame quoi? Chut, n'insistez pas. La duchesse Douairière de Valmonté. Madame enchantée. Et allez donc, c'est pas mon père. Puisque c'est l'usage. En tout cas, nous lui avons montré que nous étions à la hauteur. Excusez-moi, madame, mais mon vieil âge ne me permet pas d'être dans le mouvement. Mais comment donc? Mais allez donc, c'est pas mon père. C'est ça, madame, c'est ça. Et maintenant, ne vous occupez plus de rien, je me charge de tout. Oh. Asseyez-vous, je vous en prie, mesdames. Asseyez-vous, je vous en prie. Si vous voulez vous asseoir, madame. Asseyez-vous, je vous en prie, madame. Mais quoi, est-ce qu'on ne fait pas un peu de musique? Quelque chose pour distraire cette aimable société. Monsieur, on attend ma nièce pour la prier de chanter. Ah, oh, parfait. Cette chère mignonne. Je serais enchantée de l'embrasser. Elle aussi, croyez-le bien. Mesdames et messieurs, vous êtes priés de patienter un peu. Nous attendons la nièce du général pour qu'elle nous chante quelque chose. Ah, vous savez. Mais oui. Ah, bah, c'est très bien. Oh, non, mais elle est étonnante. De quoi se mêle-t-elle? Vous ne désirez pas vous rafraîchir, chère madame? Et vous, chère madame? Vous ne désirez pas vous rafraîchir? Et vous? Non, mais regardez. Elle est là, elle va. Et vous, chère madame, vous ne désirez pas vous rafraîchir? Si. Valet de pied. Voyons, passez donc les rafraîchissements. Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez, mon garçon? Passez des rafraîchissements, puisque madame vous le demande. Bonbon. Ma parole, elle m'amuse. Monsieur et madame Tournoi. Ah! Ah, monsieur et madame Tournoi, que c'est aimable à vous. Et allez donc, c'est pas mon père. Comme vous arrivez tard, excusez-moi de vous recevoir dans cette tenue, mais je descends le chemin de fer. Pardon, je vous serai obligé. Oh, c'est juste. Vous ne connaissez pas le général, peut-être? Général! Monsieur et madame Tournoi! Ah, ben, elle est forte. Tenez, madame, si vous voulez vous rafraîchir au buffet, ainsi que monsieur Tournoi! Non, mais permettez! Laissez, ne vous occupez de rien! Oh, mais elle commence à m'embêter! Là, voilà qui est fait! Ah, eh ben, c'est très bien, mais je vous prierai dorénavant, madame! Non, pas madame! Ne m'appelez pas madame. Ah ben, comment voulez-vous que je vous appelle? Eh ben, je ne sais pas, moi. Comment appelez-vous votre nièce? Ma nièce? Eh ben, je l'appelle ma nièce! Eh ben, voilà! Appelez-moi ma nièce, ça me fera plaisir. Puis moi, je vous appellerai mon oncle. Hein? Ah, mon oncle. Mon cher oncle. Mais elle est enfermée. Ah, voilà les cousines. Eh ben, vous en avez mis un temps. Je prenais ma leçon, mon oncle. Elle prenait sa leçon, notre oncle. Je sais, au moins ça t'a-t-il profité. Oh oui, mon oncle. Bravo. Et vous, ma chère enfant, préparez-vous à une surprise. Une surprise, laquelle? Oh, La mère Petitpont, ah ben je comprends pourquoi le docteur filait comme un lapin. Chère madame, d'abord ma nièce Clémentine, la fiancée. Ah, qu'elle est mignonne, tous mes voeux, ma chère enfant. Chère madame, je n'ai pas besoin de vous présenter mon autre nièce, madame Petitpont. Nous de nous présenter? Ah ben en voilà une question. Le général qui demande s'il faut nous présenter, elle est bien bonne, ma chère. Elle est bien bonne, non? C'est pas croyable. Comment c'est toi? Hein? Bah, c'est ça qui est gentil. Tu vas bien? Oui, tu vas bien. Mais t'es pas, oh, pas mal, je suis toi. Contente de te voir, mais regarde-moi donc. Mais t'as bonne mine, tu sais, t'as bonne mine, n'est-ce pas qu'elle a bonne mine? Mais, la bonne mine. Oh, figure-toi, depuis que je ne t'ai vue, j'ai eu des tas d'embêtements. Émile a été très malade. Ah. Heureusement, il a été remis pour le mariage de sa sœur. Ah. Tu sais, Jeanne. Oui, elle a épousé Gustave. Gustave. C'est bien Gustave. Lucille Bouffy. Ah. Oui, eh ben, elle l'a épousé, ma chère, hein, qui aurait cru. Gustave, tu te rappelles ce qu'elle en disait? Enfin, c'est comme ça, tout va bien. On dit noir un jour, on dit blanc le lendemain, c'est la vie. On les girouette, on ne les pas, tel qui rit. Mais qu'est-ce que t'as? T'as l'air tout drôle, je t'en prie, mets-toi à ton aise. As-tu soif? Veux-tu boire? Orangeade, café glacé, orangeade, limonade? Hein? Bière. Eh ben oui, parle, dis ce que tu veux, tu sais, t'es ici chez toi. Oh, ça, elle y est. Je te remercie, oh, bien. Oh, mais je te demande pardon, tu permets. Oh, mais va donc, je t'en prie, va donc. Qu'est-ce que c'est que cette dame-là? Elle doit me connaître puisqu'elle me tutoie. Il n'y a pas, j'ai beau chercher, je la connais pas. Si encore le général m'avait dit son nom, mais il n'a dit que le mien en me présentant. Ah ben ma foi, tant pis. Dites-moi donc, général. Madame. Quel est donc le nom de cette dame? Quelle dame? Bah celle-là, que vous venez de me présenter. Ah là. Très bien. Elle est bonne. Comment? Elle est bonne. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il n'y a pas. Dites-moi donc, chère madame. Madame. Pouvez-vous me dire quelle est cette dame à qui le général vient de me présenter? Quelle est cette dame à qui? Oh, mais vous voulez rire? Oh, très drôle! Oh, oh, ça, elle aussi, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle dans ma question. Dites-moi, monsieur l'abbé, pourriez-vous me dire? Oui, j'ai entendu la question. Elle est bonne! Elle est bonne! Oui, mais c'est curieux comme on est rieurs ici. Dites-moi donc, mon ami, quelle est donc cette dame qui cause avec le général? Là, c'est madame Petitpont. Hein? Madame Petitpont? Ah, le général est remarié! Oh, mais Lucien ne m'avait pas dit ça! Oh, mais venez ici que je vous vois, que je vous regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Figurez-vous que je ne me doutais de rien. C'est le valet de pied qui m'a dit que vous étiez madame Petitpont. Ah! Mais je savais pas que vous étiez la femme du général. Hein? Oh, ma tante! Quoi? Ma chère tante! Moi, oh, zut! Oh, que je suis contente, que je suis ravie! Ma tante, ma chère tante! C'est ma tante, figurez-vous, ma madame. Comment est-ce qu'elle vous appelle maintenant? Oui. Ah, ça, elle est bien bonne. Moi, elle m'a demandé de m'appeler mon nom. Oui, c'est une manie chez elle. Elle est tellement expansive qu'elle éprouve le besoin de vous donner comme ça des petits noms de famille. Oui, enfin, elle est braque. Eh bien, madame, vous êtes tout de même arrivée à vous renseigner? Mais oui, mon père. C'est un stand. Moi, je suis son oncle. Vous êtes sa tante et l'abbé est son père. Dites donc, madame. Général. Est-ce que monsieur là n'est pas votre neveu? Monsieur? Non. Ah, mon ami, vous n'êtes pas son neveu. C'est regrettable. Ça sera pour une autre fois. Ah, mais je cause. Et pendant ce temps-là, je ne m'habille pas. À tout à l'heure, mesdames. Je ne serai pas longue. Je ne serai pas longue, mesdames. À tout à l'heure. Oui, bah c'est ça. Va. Pardon, monsieur, pardon. Ma nièce, elle est complètement folle, votre amie. Oh, oui. Général. Qu'est-ce qu'il veut, l'abbé? Ah, oui. Ah, ma nièce, je vous avertis qu'un complot a été tramé contre vous. Contre moi? Ma nièce, vous allez nous chanter quelque chose. Oh, oui. Dis-moi, non, mais vous n'y pensez pas, mais je ne chante pas. Oh, que si. Non, mais je vous assure. Alors, voyons, n'allez pas vous faire prier. Car enfin, je n'ai pas de musique. Oh, ma cousine, j'en ai vu un rouleau dans votre chambre. Oh, c'est traître ce que vous faites là. Oh, si, madame, chantez-nous quelque chose. Ça vous ferait plaisir, duc. Oh, oui. Oh, duc, on ne peut rien vous refuser. Oh, madame. Allons. Soit, mais il me faudrait ma musique. Je vais vous la chercher. Dans votre chambre, n'est-ce pas? Non, je l'ai descendu ce matin, dans la bibliothèque. Ah bon? Tenez, jeunes gens, aidez nous à ranger les chaises. Ça gagnera du temps. Ouf, ça y est. Ah, te voilà, toi. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, ta femme est ici? Mais je le sais bien. Qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai enfermée. Hein? Mais je l'ai aperçue qui entrait dans une chambre, la clé était à l'extérieur, alors blanc, deux tours. Mais c'est fou, mais qu'est-ce que tu y gagnes? Ah, j'y gagne du temps. Gagner du temps, tout est là dans la vie. Voici votre musique, ma cousine. Hein? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, on me demande de chanter quelque chose. Oh, ben, voilà une idée, mais c'est insensé. Mais, non, mais pas du tout. Ça voyons, fait mais... plaisir au duc. Mais ben, je m'en moque que ça fasse plaisir au duc. Mais malheureuse, qu'est-ce que tu vas leur chanter? Ben, je sais pas, j'ai bien là la langouste et le vieux marcheur. Mais tu divagues. La langouste et le vieux marcheur ici. Ah, oh, oui, t'as raison. Oui, j'ai peur que ce soit un peu. Ah, oh. Oh, ben attends, j'ai là une complainte sentimentale. Ben, c'est ça, voilà, une complainte sentimentale, ça fera l'affaire. Allez, qui c'est qui va m'accompagner? Oh. Eh ben, l'abbé. Moi, mais général, je ne joue que de l'arbre. Oh, ben, c'est la même chose, quoi, sans les pieds. Ah, oh, mais non, général, permettez. Non, bon, pas de juger. Qu'est-ce qui joue du piano? Maman. Ah, Duchesse, Duchesse, puisque l'abbé ne peut pas accompagner, vous ne pouvez pas nous refuser. Je peux bien essayer. Ah, ah. Duchesse, mon bras est à vos pieds. Oh, général, vraiment. Bravo. Allez, allez. Qu'est-ce qui a fourré ce sac-là? Allez, Émile. Mon général. Tenez, enlevez donc ça. Qu'est-ce que ce sac de voyage? Vous voyez, duc, vos désirs sont des ordres. Mais oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Elle est exquise. Allez, allons, voyons, voyons, voyons. Non, je vous en prie, du coup, vous regardez. Oui, voyons. Monsieur, oui. On n'a pas à dire, elle est délicieuse. Au fait, elle m'a pas donné son adresse. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, c'était pour... Au fait, vous pouvez aussi bien, dites-moi donc, docteur, où demeurez-vous à Paris? Moi, 66 bis boulevard Malesherbes, pourquoi? Mais pour... Pourquoi? Pour y aller. Ah, bon, bah, très heureux de vous recevoir. Oui. Aimable. Je suis l'amant d'une femme du monde. Bah, quoi, mais j'avais une chaise, moi. Oh, pardon, distraction. Il n'y a pas de mal, parce que... La marmite à Saint-Lazare. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette romance-là? Calme ordonné fait pour le ménage dans mon petit taudis. Avec ma marmite pour tout potage, j'avais le paradis. Hélas, pourquoi sur cette terre le bonheur dure-t-il si peu? Le mien devait être éphémère. Voyez, il n'a pas fait long feu. Ma pauvre marmite, la chère petite, faut-il que le monde soit méchant? Pour Saint-Lazare, v'là qu'on me la prend, ma pauvre marmite. Couplet sentimental. Eh bien, soit je t'en fais l'offrande, puisqu'il faut, il faut, en priant que Dieu me la rende, quelques jours là-haut. Et je ferai trois crans à ma ceinture, en attendant que je trouve une peau, pour m'assurer ma nourriture, puisqu'hélas, on ne vit pas que d'eau. Sois heureux avec la petite, je me sacrifie le cœur bien gros pour le bonheur et le repos de ma pauvre marmite. Bravo, ma nièce, bravo. Oh mon Dieu, heureusement qu'ils n'y ont rien compris. Oh, merci, madame, vous m'avez fait un plaisir. C'est vrai, duc? Oh, oui, madame. Oh, tant mieux, duc, tant mieux. Voyons. Oh, la ferme-toi. Oh, madame, je ne saurais vous dire l'émotion délicate que vous m'avez fait éprouver. Oh. Ce cantique est vraiment touchant. C'est vrai, cet homme qui n'a qu'une marmite pour toute batterie de cuisine et qui l'offre en ex-voto sur l'autel de Saint-Lazare. Oh, n'est-ce pas, madame la duchesse? Ah, c'est émouvant dans sa simplicité. Seulement, il y a une chose qui me chiffonne dans la chanson. Ah, quoi donc? C'est ceci. Voilà un homme qui fait l'offrande de sa marmite. Et il dit que pour la remplacer, il va chercher une peau. Eh ben... Eh bien, c'est un pot qu'il devrait dire. Ah oui, hein? C'est juste... Une marmite, c'est un pot. Ça n'est pas une peau. Quoi? Oh, elle est bien bonne. Oh, c'est un beau rire. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, que c'est drôle. Oh, oh merde. Oh, le décès, le décès, c'est la grande mode à Paris. Ça a été lancé chez la baronne Bayard. Oui. Là, eh ben, ça faisait quelque chose à présent, hein. On a fini de chanter, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, danser maintenant. Ah, oh, ben oui, c'est ça, dansons. Un quadrille. Hein? Non. À quoi je vais accompagner? Ah bon, au piano, bon, bah ça je veux bien, oui. Mais madame, voilà justement un recueil de musique de danse. Parfait, madame la duchesse, nous allons jouer à quatre nains. Eh ben, c'est ça, à quatre nains. Quel éclair. Guérissac. Chamois. La ressemblant, j'ai trouvé. La môme crevette. Oh, c'était pas tant. Hein, crois-tu? Mais non, ce n'est pas possible, le docteur n'aurait pas épousé la môme crevette. Mais ça ne peut être pas, enfin regarde les façons, le mauvais genre. En tout cas, Momono, elle a une de ses tenues. Qui ça? Madame Petit Pont, c'est une fille. Je ne trouve pas, moi. Ah, ma zette, qu'est-ce qu'il me faut? Eh ben alors, c'est comme ça que vous dansez? Voilà. Alors, vous y êtes? S'amuse-t-il, sans une jeune? Ah, voilà le fiancé. Général? Ben mon ami, vous arrivez un peu tard. Votre fiancé vient justement de partir en farandolant. Vraiment? Oui. Mes bottines! Ah, oui. Ne dites donc, Duchesse, pas besoin de vous fatiguer davantage les phalanges, il n'y a plus personne. Tiens, oui. Si vous le voulez, nous allons aller à la recherche de la future. Volontiers. Voilà le fiancé. Attendez, là. Vous, là. Le fiancé, attendez, là. Je vous envoie votre fiancée. Je crois qu'elle vous ménage une petite surprise. Je vous dis que ça. Vraiment, mon général? Vous dis que ça. Duchesse, en avant. Une petite surprise, une paire de pantoufles pour des parelles. Quelque chose comme ça. Oh, ce mariage, vrai. J'aurais mieux fait de ne pas avoir la môme avant-hier. Oh, la voilà. Ah, je vous attendais avec impatience, ma chère fiancée. Ah, le voilà, le gros coco. Hein? Où est-ce qu'il était donc? Il arrive si tard. Oh, mon Dieu. Venez là qu'on vous regarde. Ouh, le petit irrigué à sa titine. Oh, mon Dieu. Ouh, ma choute. Mon Dieu. Qu'il aimait donc bien qu'on le bécote à son cou, le gros pépère. Oh, mon Dieu, ces mots résonnent à mon oreille comme un refrain déjà entendu. Eh bien, je crois qu'on est à la cool, hein. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, ça suis-je fou, ai-je des hallucinations? C'est comme un écho de la môme crevette. Clémentine. Est-ce vous qui me parlez de la sorte? Ça vous la coupe, hein. Dis donc. Oh. Est-ce possible, vous, la pensionnaire naïve, qui vous a transformé de la sorte? Ah, voilà! C'est ma cousine. Ma cousine Petit Pont, que je vous présente. Oh, la môme crevette! Eh bien, mon cousin, êtes-vous content de mon élève? Vous, ici? Tiens, vous vous connaissez? Ah, oui! Non, c'est-à-dire... On s'est rencontrés chez une photographe. Je vous en prie, ma chère fiancée, laissez-moi un moment, il faut que je parle à votre cousine. Oh, allez-y! Merci. Et allez donc, c'est pas mon père! Oh! Je crois qu'il doit être content de ma transformation. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, et toi? Mais moi, il ne s'agit pas de moi. Enfin, je t'appelle ici dans une famille honnête. Oh, t'es encore poli, toi. Ça m'amusait d'assister à ton mariage, après tout, quoi. T'es venu rejoindre ta fiancée, moi, je suis venu accompagner mon amant. Oh, tais-toi. Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu n'es pas jaloux, je suppose. Jaloux? Oh, certainement non, je ne suis pas jaloux. Mais enfin, je t'ai aimé. Oh. Et rien que pour ça. Ah, si tu avais un peu de délicatesse. Pas de délicatesse, moi j'ai pas de délicatesse. Non, t'as pas de délicatesse. Oh, ben celle-là, dis donc, est-ce que je t'en ai jamais parlé de mes amants tant que t'étais avec moi, hein? Aujourd'hui que tu ne m'aimes plus. Non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Je n'en sais rien si je ne t'aime plus. Puisque tu te maries. Ah, et puis ne m'embête plus avec mon mariage. C'est vrai ça, plus j'en approche et plus je recule. Et allez donc, c'est pas mon père. Écoute, te sens-tu encore capable de m'aimer? On pourrait. Vrai? Eh bien, dis un mot, dis, et j'envoie tout promener. Oh, tu ne voudrais pas faire une crasse à cette petite? Non, si tu crois qu'elle m'aime, elle m'épouse comme elle en épouserait un autre, parce que son oncle lui a dit. Ah, ça, c'est vrai. Mais comment le sais-tu? Il me l'a dit. Oh, mais c'est charmant. Je lui ai demandé si elle avait de l'amour pour toi, elle m'a répondu, mais non, l'amour ne doit exister que dans le mariage, et comme je ne suis pas encore mariée, et allez donc, c'est pas mon père. Oh, mais telle bête. Ah ben, t'es bien le premier mari qui aura reproché de pareils principes à sa femme. Non, je te demande, quel bonheur peut-on espérer d'un mariage où il n'entre d'amour ni d'un côté ni de l'autre? Le fait... N'est-elle pas plus morale, l'union libre de deux amants qui s'aiment, que l'union légitime de deux êtres sans amour? Mon passé est là pour te répondre. Va, nous pouvons encore être heureux ensemble. Ne réfléchissons pas, ne discutons pas. Laissons-nous aller à l'élan qui nous pousse l'un vers l'autre. Veux-tu encore être à moi? Tu veux? Oui, je le veux. Et tu me seras fidèle. Oh, et puis quoi? Si. Tu me seras fidèle. Partons, veux-tu, je t'enlève. Partons. Eh ben, soit. Oh, je passe une manche, je mets une dentelle sur ma tête, oui. Et nous filons. C'est ça. Moi, j'écris un mot au général pour lui rendre sa parole. Et moi, je fais dire à Petit Pont de me renvoyer mes mains. Oui, où y a-t-il de quoi écrire? Par là. Ouh, le petit zirigoui à sa maman. Oh, à la bonne heure. Avec toi, ça sonne juste. Oh, chez la petite, ça avait l'air d'une tradition dans la bouche d'une doublure. À tout à l'heure. Allez, donc, c'est pas mon père. Ah, ma foi, c'est le ciel qu'il veut. Il ne m'aurait pas envoyé la tentation pour que j'y résiste. Il doit me connaître assez pour ça. Oh, pardon, madame. Oh, monsieur, par quelle émotion je viens de passer? Ah, vraiment, madame, je vous demande pardon, c'est que... Figurez-vous, monsieur, j'étais entrée dans ma chambre, en fermant simplement ma porte, sans toucher à la serrure. Oui, madame, oui, c'est que... Et quand j'ai voulu sortir, monsieur, elle était fermée à double tour. Oui, madame, oui. La clé avait tourné toute seule, et voilà une demi-heure que je crie sans que personne m'entende. Enfin, heureusement, tout à l'heure. Madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Oh, Ça n'a pas l'air de l'intéresser, ce que je lui dis là. Ah, le général a beau dire que les revenants n'existent pas, c'est égal. Il y a de ces mystères. Allons, ne nous mettons pas Martel en tête. Qu'est-ce que je suis venue chercher? Ah oui, les clés de mes malles. Eh ben, et ma sacoche? Je la fais poser là sur le piano. Elle est peut-être tombée. Oh, quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée. Oh, nom d'un chien, ma femme, on l'a relâchée. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Éteignons et filons. Oh, sapristi la lune. Ah, mon Dieu, je vois plus clair. Que signifient ces ténèbres qui soudain m'environnent? Derrière le piano, en me baissant, on ne me verra pas. Ah, oh, que je suis sotte. Oh, c'est un plomb de l'électricité qui a fondu. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ah, oh, maudit tabouret. Ah, qui est là? Au piano, qui est là? Oh, personne ne répond. J'ai bien entendu, cependant. Allons, voyons, Gabriel. Ah, oh, Dieu, le piano qui joue tout seul. Le piano est hanté. Grâce, messieurs les revenants. Gabriel, je suis ton bon ange. Écoute ma voix et suis mes conseils. L'ange Gabriel. Sous cette égide dont je couvre tes épaules, tu peux braver la malignité des esprits. Mais pour éviter un malheur, quitte à l'instant ce château ensorcelé, emporte ta malle et pars, sans regarder en arrière. Oh, merci, mon bon ange. Va, et remercie le ciel. Eh oui, bon, merci, moi, je vais voir. Allons, bon, ça prestille général, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à l'électricité, non? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Encore la folle! Ah, ça, mais qu'est-ce que vous faites là-dessous? Laissez-moi! Mais jamais de la vie! Laissez-moi! Mais non, on va que l'emporte la gaine de ma cloche maintenant! Allez, voulez-vous me rendre ça? Non, c'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête! C'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête! Oh. Enfin, j'en suis débarrassé! Mon Dieu, je n'ai plus qu'un précipice au lieu de deux. Sauvez-moi du second! Ah, te voilà! Hein, mon Gicourt, toi ici! Oui, oh Dieu, sois loué, j'arrive à temps. Ah, mon cher, je viens de faire 250 km, je ne les regrette pas, pour t'avertir qu'un grand danger te menace. Allons, bon, qu'est-ce que c'est encore? Allez, tant pis, pars, je suis prêt à tout. Ta femme. Hein? Ta femme est ici. Oh, que c'est bête de me faire des peurs comme ça. Hein? Non, mais vrai, si c'est pour ça, tu aurais aussi bien fait de ne pas te déranger. Comment tu le savais? Mais voilà une heure qu'elle est ici. Est-ce que j'ai eu de la peine à m'en débarrasser? Ah, j'en ai eu le pressentiment. C'est fait, alors? Oui. Ah, tant mieux. Mais n'est-ce pas, je ne savais pas, moi, quand j'ai appris que ta femme partait, je me suis dit, il faut que j'aille prévenir Petit Pont. J'ai couru à la gare, j'ai demandé à quelle heure le premier train, j'ai sauté dedans, me disant, ça y est, j'arriverai avant elle. Malheureusement, je n'ai pas réfléchi que le premier train était un omnibus, tandis que le second était un express, de sorte que c'est le second qui arrivait le premier. Comme dans l'évangile, les premiers seront les derniers. Ah non, pas de mots, hein, je t'en prie. Ah bah, puisque tout s'est bien passé. Comment tout s'est bien passé? Et la môme que tu oublies, qui fait pataquès sur pataquès. Oh. Non, mon Gicourt, il n'y a que toi qui puisses me tirer de là. Écoute, va trouver le général. Dis-lui que tu as dû me chercher pour une opération qui ne souffre aucun retard. J'invoque l'urgence, j'emmène la môme, et pour le reste, je m'en charge. Allez, va, je t'en prie, et tu me sauves. Bon, entendu, où est le général? Mais par là, dans le jardin, avec ses invités. Bon, bah, Gicourt, tu sais, tu avais bien besoin de te mettre dans ce pétrin. Voyons, y a pas un valet de pied pour faire porter ma lettre? Oh, monsieur Corignon. Monsieur Petit Pont. Oh, monsieur, que je vous avertisse, je crois que c'est mon devoir. La môme est ici. Ah non, non. Comme je vous le dis. Eh bien, mon Dieu, grand bien lui fasse. Et ça ne vous effraie pas? Ah ben, Dieu, je voudrais bien la voir à 100 lieues d'ici, moi. Le ciel vous fera peut-être cette surprise. Ben, le ciel vous entende. Je vous demande pardon, mais je suis un peu pressé. Oh, ben, puisque vous êtes là, voulez-vous me rendre un petit service? Moi? Oui, je suis obligé de partir brusquement. Voulez-vous remettre cette lettre au général quand vous le verrez? Ben, très volontiers. Merci. Ah, vous voilà. Partons. Sapristi, Petit Pont, dissimulons. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Sa grand-mère, sans doute. Oh, quelle drôle d'idée d'écrire au général, puisqu'il est chez lui. Enfin, ça le regarde. C'est étonnant que tu n'aies pas vu Corignon. Je peux pas mettre la main dessus. Mais si fait, mon oncle. Voici même une lettre qu'entre vos mains, mon oncle, il m'a dit de remettre. À moi, quelle drôle d'idée. Oh! Quoi? Miltalais! Qu'est-ce qu'il y a? Le polisson, il me rend sa parole et m'écrit qu'il part avec sa maîtresse. Nom d'un chien. Ah, il croit que parce qu'il est mon filleul, eh ben je lui ferai voir. Émile! Mon général? Vous n'avez pas vu le lieutenant Corignon? Si, mon général. Il montait en voiture avec Madame Petitpont. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Avec Madame Petitpont? Corignon? Ah, tu as entendu? Il a enlevé ta femme. Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout ce que tu trouves à dire. C'est vrai. Là, tout l'effet que ça te fait. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Si tu es philosophe, moi, je ne le suis pas. Tu portes mon nom. Et tu sauras qu'il n'y a jamais eu de cornard dans ma famille. C'est pas toi qui commencera. Émile! Mon général? Vite, préparez ma valise et celle de Monsieur Petitpont et descendez-les. Bien, mon général. Mais pourquoi? Ah, tu penses que je vais les laisser filer sans que nous courions après. Attends-moi. Je vais voir si par hasard ils n'ont pas encore eu le temps de partir. Et s'ils sont partis, je t'emmène et nous les rattrapons. Oh, général. Ah, Vlana folle, foutez-moi la paix. Oh, Lucien. Ah non, non, d'un chien, la voilà revenue. Toi? Oui, oui, oui. Toi ici? Oui, oui, je t'expliquerai. Ah, Lucien, Lucien, ne me quitte pas. Sauve-moi. Oui. Château est possédé du démon. Ah oui, ah oui, ah oui, calme-toi, là, nous allons partir. Allez, va devant, va devant. Mais va devant, bon Dieu. Au nom d'un chien, général. Ah, ça y est, ils sont partis. Lucien, Madame Petitpont est une drôlesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Tiens! Mille tonnerres! Oh! Ah, Madame Petitpont est une drôlesse. Hors de ma vie, c'est la première fois qu'une femme ose porter la main sur moi pour un pareil motif. Ah, vous voilà, général, je vous cherchais. Ah, vous arrivez bien, monsieur. Vous êtes responsable des actes de votre femme. Là, oh, là, mais... Je suis à vos ordres, monsieur. Viens, toi, allez, allez, Petitpont, courons après. Oh, ça se gâte. Ça se gâte. Vous n'êtes pas trop inquiet sur le sort de Petitpont? Vous pourrez patienter quelques minutes, le temps pour le journal parler de vous confier des dernières nouvelles. Nous nous retrouverons ensuite pour l'acte 3 chez le docteur Petitpont. Au troisième acte de La Dame de chez Maxime, la comédie en trois actes de Georges Feydeau que les comédiens français interprètent pour la première fois à l'attention des auditeurs de France 2, nous retrouvons à Paris le docteur Petitpont après l'équipée Tourangelle. N'oubliez pas que le fauteuil extatique est toujours en place. Il fait jour, Madame Petitpont fait son entrée, suivi d'Étienne, le valet de chambre, qui porte ses valises et sa couverture de voyage. Monsieur n'est pas là? Non, madame, monsieur est sorti. Je l'ai vu tout à l'heure avec son chapeau sur la tête. Comme c'est agréable. Il aurait bien pu se dispenser à une heure où il devait bien se douter que j'allais arriver. Tenez, c'est peut-être lui. Allez ouvrir. Oui, madame. Non, vraiment, je ne comprends rien à la conduite de mon mari. Il en use vis-à-vis de moi avec une désinvolture. Hier, il me voit chez son oncle, il assiste à la scène qui s'est passée, et au lieu de partir avec moi justement indigné, il me plante là et il prend le train avec le général, c'est un manque d'égard. C'est monsieur? Non, madame, c'est un jeune homme qui... Oh non, non, voyez ce qu'il veut. Et à moins que ce soit absolument urgent, je n'y suis pour personne. Bien, madame. Oh non, merci, j'ai bien la tête à recevoir des visites. Mais mon matin, je vous dis comment on m'avait dit... Mais je répète à monsieur que madame arrive à l'instant de voyage. Et après une nuit de chemin de fer, monsieur comprendra qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire très urgente... Oh, oui, oui, très urgente. Dites seulement à madame que c'est le duc de Valmonté, vous verrez. Le duc de... Valmonté, vous dites? Ah, rien, monsieur, rien. Allez, madame doit m'attendre. Ah, pour ça, non, monsieur. Non? Non, madame m'a dit qu'elle n'y était pour personne. Ah ben, vous voyez bien qu'elle m'attend. Ah? Tenez, pour vous. Oh, merci, monsieur. Oh, ces grands seigneurs. Comme ils savent donner de la valeur à leur moindre geste. Je dirais que c'est urgent. C'est ça. Oh, je suis très ému. Pas mal. En physique. Aïe, un bouton sur le nez. C'est embêtant, moi, qui n'en ai jamais. Il faut que précisément aujourd'hui. Hein, c'est l'émotion. Je suis très ému. Mais enfin, voyons, je vous avais dit que je n'y étais pour personne. Oh, oh zut, c'est son ami. Il paraît que c'est très urgent, madame, très urgent. Madame. Le duc de Valmonté? Lui-même, madame. Ah, parfaitement, oui. Oui, oui, c'est bien vous qui étiez à la soirée du général Petitpont du Grêlé quand je suis arrivée. En effet, madame, c'est là que j'ai eu l'honneur de vous voir. Et madame Petitpont va bien? Pas mal, merci. Un peu fatigué par le voyage et en plein dans l'aria des mâles. Oh, comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce qu'elle regarde comme ça? Mais enfin, elle n'est pas souffrante. Qui? Madame Petitpont. Ah, quelle drôle de façon de parler à la troisième personne. Comme un valet de chambre. Ah non, non, non, merci bien. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais, pardon, monsieur, je suis un peu pressée. Et si vous vouliez oh, bien... Oh, mais allez donc, madame, allez donc, ne vous occupez pas de moi, je serai désolée. Hein? Ah, mais non, du tout, c'est pas ce que je veux dire. Seulement, je n'ai que quelques instants à vous accorder, alors vous comprenez. Ah, c'est bien aimable à vous. N'en abuserez pas. Alors vous m'excusez, n'est-ce pas? Mais comment donc? Oh, bien charmante soirée, n'est-ce pas, jeune général? Mais, charmante, en effet. Quel beau pays que la Touraine. Ah oui, mais... Le verger de la France. Ah. Je crois que ça m'amuse de bavarder comme ça avec elle. Voulez-vous me permettre, madame? Ah, merci! Oh non, pas mon bouquet! Ah! De vous poser une question. Mais certainement. Est-ce qu'il faut longtemps pour défaire des mâles? Ah, mais je ne sais pas, mais ça dépend quand on n'est pas dérangé. Mais pardon, monsieur, je ne suppose pas que vous soyez venu pour me parler de la Touraine et du temps qu'il faut pour défaire des mâles. Oh non, madame. Le valet de chambre m'a dit que c'était pour une chose très urgente. Oh oui, oui, madame, très urgente. Eh bien, parlez, monsieur, de quoi s'agit-il? De quoi? Je ne peux pas vous le dire. Comment? Non, madame, non, ne m'interrogez pas, parlons de ce que vous voudrez, mais quant à vous dire l'objet qui m'amène, n'y comptez pas. Hein? Ben voilà un original. Mais pardon, monsieur, alors pourquoi êtes-vous venu ici? Ça, madame, c'est mon affaire. Oh, mais le temps passe, je vois que madame Petitpont est occupée, je ne veux pas la déranger le moins du monde, je reviendrai. Ah. Au revoir, madame, je reviendrai, je reviendrai. plus souvent que je lui raconterai pour qu'elle aille faire des potins. Oh, ben. Mais qu'est-ce que c'est que ce toqué-là? Il vient me déranger pour me dire que la Touraine est le verger de la France. Ah, il en a un toupet. Qui est-ce qui a sonné tout à l'heure? Lucien. Toi? Ah, je savais. Quand es-tu arrivé? Mais depuis 10 minutes. Étienne m'avait dit que tu étais sorti. Mais non, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais sorti pour remettre une lettre à un commissionnaire. Mais enfin, il y a 25 minutes que je suis rentré. Ah, te voilà, toi. Bah, t'en as fait de belles. Moi? Où ça, quand ça, comment ça, de belle? Mais là-bas, chez mon oncle. Ah non, celle-là est raide. Mais c'est bien à toi de me faire des reproches. Mais évidemment, te permettre de lever la main sur mon oncle. Ah, tu aurais peut-être voulu que j'acceptasse de sang-froid ces insultes. Mais il n'a jamais eu l'intention de t'insulter. Ah, très bien, si tu trouves ce qu'il m'a dit était une gracieuseté. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, rien, rien, c'est entendu. Et à Mongicourt, hein? Ce pauvre Mongicourt qui ne lui avait rien fait. Ah, il en a ragé pendant tout voyage. C'est peut-être aussi par gracieuseté qu'il lui a appliqué la main sur la figure. Une gracieuseté, évidemment, non, c'est pas une gracieuseté. Mais enfin, quand on a reçu une gifle, on éprouve le besoin de la rendre. C'est humain, ça. Eh ben, tu étais là. Il n'avait qu'à te la rendre. À moi? Dame, c'était plus logique que de la donner à Mongicourt. T'es mon mari, ça te revenait. Ah, ben, c'est ça, commandant. J'aurais même dû aller lui offrir ma joue. Oh, là, là, là, là. Ah, j'aurais mieux fait de ne pas y mettre les pieds dans son sale château. Tout ça pour arriver à me faire traiter de drôlesse. Mais pourquoi tu pris ça pour toi? Il parlait peut-être d'une autre personne. Il y a plus d'une femme à la foire qui s'appelle Martin. Mais qui? Ah, qui? Qu'est-ce que je fais, moi? J'y suis. Comment tu y es? Il parlait de ta tante. De botte. Oui, bah oui, voilà, voilà, voilà. Oh, pardonne-moi, ma pauvre tante, si tu m'entends là-haut. Oh, je suis désolée, qui aurait cru ça? Oh, une femme si charmante. C'est vrai que je l'avais trouvée tout de même un peu drôle. Comment tu l'avais trouvée? Tu l'as jamais vue? Ah, moi si. Quand? Hier. Hein? Bah, le général nous a présenté. Le général vous a... Ah non, voyons, ça, j'y suis plus, moi, voyons. Elle a vu ma tante qui n'est plus depuis 8 ans. Et c'est mon oncle qui la lui a présenté. Voyons, écoute, Gabriel, tu es bien sûr que mon oncle... Voici un bouquet et une lettre pour madame. Pour moi? Comment, c'est ta fête? Oh, pas que je sache. C'est le jeune homme de tout à l'heure qui m'a dit de remettre ses fleurs en main propre à madame avec ce mot qu'il vient d'écrire. À moi, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je ne sais pas, un jeune toqué. Monsieur le duc de Valmonté. Nom d'un chien! Oh! Mais c'est bien, allez, allez. Je vais le mettre dans l'eau. Attends, donne la lettre, je vais la lire. Mais pourquoi ça? Je la lirai bien, moi. Oh, mon Dieu, quelle nouvelle tuile. Oh! Quoi? Mais il est fou! Regarde-moi ce qu'il m'écrit, cet imbécile. Quoi donc? Oh, madame, depuis que votre voix enchanteresse m'a dit des paroles d'amour, mon cœur est plein de vous. Hein? Des paroles d'amour, moi, mais ce toupet! Hélas, pourquoi faut-il que ma sotte timidité ait paralysé ma langue? Vous étiez bien encourageante, cependant... Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est de la folie, mais jamais... Donne. Je vous écris ceci pour brûler mes vaisseaux, et quand je reviendrai tout à l'heure, vous verrez que mon éloquence sera à la hauteur de votre amour. Je vous embrasse à pleine bouche. Oh! Impertinent! Oh, Gabriel, à ton âge... Quoi? Tu as détourné le jeune duc de Valmonté. Moi, mais tu es fou! À peine lui ai-je dit 2 mots chez ton oncle, et quel mot? Le général n'est pas là, non, je vais en profiter pour voir si on monte mes mâles. Je ne vois pas que dans ses paroles... Les paroles ne signifient rien, c'est l'intonation qui fait tout. Tu lui as peut-être dit ça de, je sais pas moi, d'un air provoquant. Je vais voir si on monte mes mâles. Oh, on peut tout dire avec la voix. Et c'est souvent quand on ne dit rien que l'on dit le plus de choses. Mais je t'assure que rien dans ma voix... Allons donc, comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans allumage. Non, mais je te jure, Lucien, que je dis rien allumé. Oui, c'est bien. Je veux bien admettre que c'est inconsciemment, mais en tout cas, je te défends, tu m'entends? Je te défends de recevoir le duc. Quand il reviendra, j'exige que tu fasses dire que tu le reçois. Oh, ça sur ta tête. Oui, c'est bien, ma tête n'a rien à voir là-dedans. Enfin, voilà un de réglé. Monsieur Mongicourt. Ah, voilà l'autre maintenant. Ah, petit pont. Ah, je suis pas fâché de te voir. Bah oui, quoi. Voilà, tout à l'heure. Hein? Gabriel, veux-tu me laisser avec Mongicourt? Oui, mon ami. À tout à l'heure, monsieur Mongicourt. À tout à l'heure, madame. Eh ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment qu'est-ce qu'il y a? Mais tu en as de bonne, toi. Ah, ça, as-tu oublié ce qui s'est passé entre le général et moi? Oh. Quoi? Ah, oh. Mais comment, ton oncle, à propos de rien, sans provocation de ma part, m'administre une paire de gifles? Ah, pardon, tu as mal compté, une seule. Une, deux. Oui, enfin, c'est pas le nombre qui fait. Et tu t'imagines que ça va en rester là? Alors quoi, un duel? Un duel. Ah, c'est embêtant. Ah, qu'il dis-tu? Bah, écoute, mon cher, je regrette vivement que l'affaire ait eu lieu avec le général, parce que tu comprends, étant donné le lien de famille, je ne peux vraiment pas te servir de témoin. Comment de témoin? Bah oui, tu comptes pas te battre sans témoin. Me battre? Mais où as-tu pris que je voulais me battre? Madame, qui dit duel? Tu voudrais un duel sans te battre? Mais c'est à toi de battre, pas à moi! Hein? Tu veux que je me batte avec le général, ben moi? Évidemment! Parce qu'il t'a giflé? Il m'a giflé, mais à cause de ta femme! Mais oui! Mais parce qu'il croyait que tu étais son mari! Et pas justement! Non, j'en ai assez de ce rôle. Je vais aller trouver ton oncle pour lui dire toute la vérité. Ah non, mon ami, non, non, non, je t'en prie, hein, ne complique pas. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est vrai, ça, je me donne un mal énorme pour sortir de ce pétrin. Dieu merci, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'éclat. Ah, tu trouves qu'il n'y a pas eu d'éclat? Ah, enfin quoi, il n'y a pas eu d'éclat qui me touche, moi. Toi, tu es en dehors. Ma femme ne se doute de rien, le général est toujours confiant dans son erreur. Actuellement, j'ai pris mes dispositions pour que rien ne vienne modifier la situation. J'ai écrit ce matin au général que je pardonnais à ma femme et que pour sceller la réconciliation, je partais ce soir avec elle en Italie. Toi? Oui. Dans une heure, je recevrai de Rome une dépêche du docteur Trudinelli, ainsi conçu, et de prier venir en consultation auprès du roi qui réclame vos lumières, Trudinelli. Mais comment le sais-tu? Ben, c'est moi qui l'ai rédigé. Oh, non, mais tu es machiavélique. Et c'est ce plan si bien combiné que tu voudrais démolir? En allant manger le morceau auprès de mon oncle? Enfin, tu ne peux pourtant pas me demander, pour t'être agréable, de mettre ma gifle dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Oh, est-ce que je te demande ça? Ah non, vraiment, quand je pense que j'ai fait 250 km pour encaisser une gifle. Ah oui, ça, c'est un peu loin. Ah oui, un peu. Bah aussi, tu es étonnant à la fin. Hein? La France est assez grande, cependant. Alors, il faut que tu ailles juste là-bas, dans un petit pays perdu, à la Membrolle. Qui est-ce qui connaît la Membrolle? Au moment où il y a une gifle dans l'air, tu la cueillis. Ah non, il y a des gens vraiment qui ont la figure malheureuse. Mais tu n'avais qu'à ne pas venir. Ah ben non, tu sais. En tout cas, ça n'est pas une raison pour trahir un ami. Tout ça pour éviter de recevoir quoi? Un petit coup d'épée. Mais pourquoi ce serait-il moi qui le recevrais? Quoi? C'est ce qui te fait reculer. Car si tu étais sûr de le donner, ça te serait bien égal d'aller sur le terrain. Moi? Oui, évidemment. Parce qu'alors ça ne serait plus un duel, ça reviendrait à une opération chirurgicale. Alors tu seras à ton affaire, hein. Et c'est à ça que tu t'arrêtes? Oh! Ben, tu regardes à quoi, hein? À ta peau! Oh, fille! Oh, non, non, non, non, non, non, tu ne parleras pas. Tu fais profession d'être mon ami, dis-tu. Eh bien, j'invoque le secret professionnel, tu ne parleras pas. Oui, eh bien, c'est ce que nous verrons. Chut, tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, chez lui. Oh, nom d'un chien, mon oncle. Allez, viens, viens, viens, voilà le général. Eh bien, il arrive bien, je vais lui dire. Ah non, pas toi, je lui dirai, moi. Allez, viens, bon, viens. Bon, mais alors, tu te charges d'arranger oui, tout. Oui, j'arrangerai tout. Allez, viens, viens. Oh, c'est bon, eh bien, maintenant, allez prévenir le docteur que le général le demande. Le général et madame. Oh non, parlez pas de madame, dites le général, tout simplement. Quel drôle de parapluie. Ah, et maintenant, nous allons tout arranger. Oui, oh, ben, si vous croyez qu'il tient tant que ça, vous, hein? Eh si. Mais au fait, il vaut peut-être mieux que je lui parle avant. Tenez, entrez donc par là, dans le petit salon. Je vous appellerai au moment voulu. C'est ça, mon oncle, vous m'appellerez. Oui, eh ben, on va avoir une surprise. Rentrez. La conférence est terminée. J'apprécie la folle. Le général. Mais qu'est-ce qu'elle fiche toujours chez mon neveu, celle-là? Oh, général, que je suis heureuse. Je vous en prie, madame, après ce qui s'est passé entre nous. Oh, quoi, général, vous y pensez encore? Comment si j'y pense? Ma parole, vous ne me paraissez pas avoir la moindre conscience de la gravité de vos actes. Oh, si, mon oncle. Oh, et puis ne m'appelez pas mon oncle. Appelez-moi général. Quoi, vous ne voulez pas que je sois votre nièce? Non! Avant l'incident, j'ai bien voulu me prêter, mais maintenant... Non, vous êtes donc intraitable. Oh, si vous saviez combien je regrette ce qui s'est passé. Il est bien temps, madame. Oh, mais vous savez, j'avais été très énervée par l'apparition de tous ces revenants. Ah non, hein, je vous en prie, ne faisons pas intervenir des blagues dans les choses sérieuses. Des blagues, mais général, je vous jure que... Venez, voulez-vous que je vous donne un bon conseil? Eh bien, quand il vous arrivera d'en voir encore des apparitions, prenez donc une bonne trique et flanquez-leur des roulés à vos apparitions, là. Vous verrez ce qu'il en restera. Oh, général, pouvez-vous blasphémer? Parfaitement, ça vous édifiera sur la valeur de vos croyances et évitera pour l'avenir de vous faire commettre des actes que vous déplorez ensuite. Oh oui, général, de tout mon cœur. Et je vous en demande bien sincèrement pardon. Allons soit, madame. Dans l'expression de vos regrets. Oh, général. Mais ceci, bien entendu, à la condition que votre mari confirme vos excuses en y ajoutant les siennes. Oh, si ça n'est que ça, il vous les fera. Comprenez, moi, j'ai giflé votre mari. Hein? Aussi? Il ne me l'avait pas dit. Tiens, parbleu, ça n'est pas vanté. Moi, au fond, je n'en veux pas. Oh, mon oncle! Fiche-toi, ma femme. Et arrive donc, toi, tu me fais attendre. Ah, Lucien, nous nous sommes expliqués avec le général, il est bon, il m'a pardonné. Oui, mais à condition que votre mari me fasse des excuses. Non, comment donc, mais c'est entendu. Oui, enfin, ça, c'est son affaire. Bien, cher ami, j'ai à causer avec mon oncle, alors, si tu veux bien... Bah, oui, comment donc? Dis donc, tu ne m'avais pas dit que le général t'avait giflé? Hein? Moi? Quand ça donc? C'est lui qui vient de me le dire. Ah, oui, oh, bonjour de tout petit. Ah, mais non, hier. Ah, hier, oui. Oh, mais si gentiment. Hein? D'un oncle, c'est une taloche. Ah, oui. Allez, maman, va. Dis donc, hein. C'est pas possible. Oh. T'en pinces pour elle. Hein? Moi? Pourquoi? Dame, chaque fois qu'on vient ici, on la trouve. Sais-tu que s'il était un peu moins... blette, là, ça donnerait à jaser. Oh, mon oncle. mais comment s'appelle-t-elle déjà? Tu me l'as présentée, mais je peux jamais me rappeler son nom. Madame Mongicourt. Ah, c'est ça, oui, Mongicourt. Je penserai à Gilet. Gilet? Oui, Gilet. Mon gilet est trop court, mon gilet est court, mon gilet court, Mongicourt. J'arrive au nom, comme ça. Ah, oui. Maintenant, est-ce que vous ne croyez pas que vous auriez plus vite fait de vous rappeler Mongicourt tout bonnement? Oh là là, oh non, c'est trop compliqué. Ah, bon. Mais je suis pas venu ici pour parler de ça. Lucien, Je viens te prêcher la conciliation. Comment ça? Il ne s'est rien passé entre ta femme et Corignon. Oui, oh, ça... Oh, j'en ai eu la certitude. Donc je vais te dire, oublie et pardonne. Ah, mon oncle, c'est tellement mon avis que je vous ai écrit ce matin pour vous annoncer que je pardonnais à ma femme et que pour sceller la réconciliation, je l'emmenais dès ce soir en Italie. Ah, oui? Ah, que je suis heureux. Attends-moi, attends-moi. Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? Et attends-moi. Mais où va-t-il? Mais qu'est-ce qui lui prend? Oh là là, quel bolide que cet homme. Heureusement que je suis pas fragile. Venez, mon enfant, venez. Hein? Et jetez-vous dans les bras de votre mari. Il vous pardonne. Oh, Lucien. Ah non, ah non, non, non, ça va pas recommencer. Allez, emmenez-la, je veux plus la voir, emmenez-la. Hein? Mais comment? Ah non, non, non, j'ai assez vu celle-là. Emmenez-la, je vous dis, emmenez-la. Mais enfin, voyons, tu perds la tête. Oh, et puis zut, tu sais, moi, ce que j'en fais, c'est pour le général, mais je m'en fiche après tout. Qui reste donc avec sa vieille peau? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non, non, mon enfant, non, non, du ciel, pas de coup de tête, vous le regretteriez. Mais c'est vrai, ça, je me mets en garde pour lui être agréable, pour lui éviter des embêtements. Hein? Oui, chut. Oui, oh, bah, y a pas de. Hein, oui, chut. Ah, mon enfant, mon enfant. Mais estime-toi bien heureux que je sois bonne fille, parce que sans ça. Oui, ça, vous avez raison, tenez. Allez, m'attendre dans le petit salon. Oh, bah oui, oh, bah, j'en ai, je l'ai assez vu, moi, le petit salon. Si, si, mon enfant, je vous en prie, je vous appellerai. Oh, bah, c'est bien pour vous, allez. Oh là là, a-t-on jamais vu ce vadrouilleur à la menthe? Ah, ça, mais tu es fou! Qu'est-ce qui te prend? Comment tu me dis que tu lui pardonnes, que tu l'emmènes en Italie, et quand je la jette dans tes bras, voilà comment tu l'accueilles? Je vous demande pardon, mon oncle, mais sur le moment, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est passé, un mouvement de révolte. Et puisque je te dis qu'il ne s'est rien passé! Ah, oui, oui, vous avez raison, mon oncle, appelez-la donc et que tout soit fini. À la bonne heure, voilà qui est bien parlé. Oui! Allez! Je l'afficherai à la porte dès qu'il sera parti, voilà tout. Si j'étais pas là pour tout arranger. Monsieur, il y a deux messieurs qui sont déjà venus avant-hier. Bah, quels deux messieurs? Messieurs Marollier et Varlin, ils disent qu'ils viennent de la part de monsieur Corignon. Ah! Quoi? Oui, je sais. Ah? Et c'est pour ton duel. Comment mon duel? Oui, tu te bats avec Corignon. Bon, je lui ai dit que tu attendais ses témoins. Hein? Mais pas du tout, mais en voilà une idée. Priez ces messieurs d'attendre au salon, hein. Ah non, non, non, non, non, madame y est, dans la salle à manger. Oh là là là là. Et puis dites à madame Petitpon. À madame Petitpon, hein, que le général l'a pris de venir dans le cabinet de monsieur. Hein? Mais non, mais non! Mais si, quoi. Allez, allez! Oui, mon général. Oh, ça va bien, oh, ça va bien. Et maintenant, dis que je ne suis pas un homme de précaution. Tiens, regarde ces épées que j'ai apportées. Quoi? Oul! Et là, attention, que diable, il est inutile de te blesser d'avance. C'est l'ouvrage de ton adversaire. Oh, c'est délicieux. Ah, ça, mon oncle, ce n'est pas sérieux. Comment pas sérieux? Ce garnement mérite une leçon. Moi, comme général, je peux pas la lui donner. Mais toi, comme mari offensé... Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à vouloir que je me batte? Oh, comment? C'est toi? C'est toi qui... Oui, oui, oui, c'est moi. Oh, que je suis contente de te voir. Ma femme tutoie à la bombe. Oh, ma tante. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma chère tante. Ça y est, voilà la crise. Oh, que je suis contente, ma tante, ma chère tante. Oh, mais je t'ai pas dit ce qui s'est passé à la Membrôle. Ah, non. Non, non, non, c'est pas la peine, c'est... Nous savons, nous savons. Ah, oui, mais ma tante ne sait pas. Oui, oui, oui, ben c'est pas le moment, pas ici, pas ici. Oh, ben comme tu voudras. Eh ben alors viens dans ma chambre, je te raconterai. Mais non, oui. Mais si, quoi? Je te laisse avec le général et j'emmène ma tante. Viens, ma tante, ma chère tante. Bon, voyons. Ce qu'elle m'embête, ma nièce. Oh, mon Dieu, il me semble que je navigue dans un rébus. C'est pas pour dire, mais elle est vraiment marteau avec sa manie de parenté. Oui, oui, ça, elle est non. Un peu... Oui, oui, mais laissons cet échappé de cabanon et parlons de toi. Tu ne saurais croire combien je suis content de t'avoir ramené ta femme. Ma femme? Non, et moi donc. Quand on pense que tu délaisses une petite femme comme ça, mais le tas d'hommes, idiot, et t'excuses, bref, mais tu veux donc un autre te la souffle, d'un. Mais dites donc, vous me paraissez bien emballé, mon oncle. Ah, moi, je ne le cache pas. Ah, si elle n'était pas ta femme, si elle n'était pas ma nièce, et elle est donc, c'est pas mon père. Et qu'est-ce que vous feriez donc? Ah, je ne sais pas. Ah, je crois, au nom d'une brique, que je serais capable de t'avantager sur mon testament. Non, votre parole? Ma parole! Oh mon Dieu, et moi qui me donnais tout ce mal. Eh bien, mon oncle, soyez heureux, elle n'est pas ma femme. En vérité? Non. Elle est bonne. Comment? Elle est bonne. Elle est bonne. Mais mon oncle... Oh, assez, hein? Tu veux pas encore recommencer? Si tu l'aimes l'affaire comme ça tous les deux jours... Mais... Ah non, ça ne prend plus. Je vous assure, mon oncle! Oui, j'aime pas les blagues, moi. Monsieur... Ouais, ah, c'est pas ta femme. Eh ben, nous allons bien voir. Et dans vous, là. Je sais pas comment vous appelez, là. De qui, madame Petitpon, est-elle la femme? Chut, toi, hein. Mais de monsieur Petitpon. Là! Je le savais bien. Mais il est bête. Oh, non, non, il est étonnant. Il y a quand on lui manque, il vous croit, cet homme-là. Monsieur, ce sont les deux messieurs de tout à l'heure qui demandent si on ne les a pas oubliés. Ah, c'est juste, faites-les entrer. Ah, bon, les autres, maintenant. Et pour ta gouverne, afin de ne pas mêler ta femme à tout ça... Bien, tu sais pas encore ce que je vais dire. Il est convenu, avec Corignon, que le véritable motif de la rencontre resterait ignoré. Bon. Même de ses témoins. Entendu. Donc il ne savait rien. Bon. Le prétexte, n'importe quoi. Oui. Vous vous battez parce que tu aurais dit ou qu'il aurait dit... Oui, entendu. Enfin, à propos de Potin, sans préciser davantage. Oui, tout ce qu'on voudra. D'ailleurs, ça m'est égal, je me battrai pas. Diable, mais... Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'as pas de second témoin? Oh, non. Je peux pas faire les deux témoins à moi tout seul. Oh, évidemment, vous ne... Eh ben, voilà tout, on se battra une autre fois. Mais pas du tout. Mais tu en as de bonnes. Oh, sapristi, encore là. Le duc, mais le voilà ton second témoin. Venez, duc, venez. Général, c'est que... Mais venez, je vous dis, n'ayez pas peur qu'on vous mangera pas. C'est vous qui êtes le second témoin. Moi. Vous. Oui, c'est que... Ne vous inquiétez pas, n'avez qu'à me laisser parler et à opiner, par conséquent. J'opinerai, mon général, j'opinerai. C'est pourtant pas pour ça que je suis venu. Messieurs Marollier et Varlin. Veuillez entrer, messieurs. Mes témoins. Mon général, c'est avec orgueil que j'ai appris que j'avais à défendre les intérêts de mon client avec un témoin de votre haute importance. Aussi, vous pouvez être sûr que je ferai tout. Ah, je vous en prie, lieutenant. Veuillez considérer pour la conduite de cette affaire qu'il n'y a plus ici un général et un lieutenant, mais des mandataires ayant mission égale et partant des droits égaux. Par conséquent... Oui, c'est très joli, mon général, mais comme une fois l'affaire réglée, vous redeviendrez le général et moi le lieutenant. Oui, soit. Mais en attendant, nous sommes témoins, restons témoins. Monsieur Varlin, le second témoin. Le duc de... Or. Mais levez-vous donc. Oh, pardon. Le duc de Valmonté, le second témoin. Messieurs. Posez donc votre bouquet. Comment? On ne règle pas une affaire d'honneur avec un bouquet. Ah, oui. Monsieur croit peut-être être témoin à un mariage. Non, hein, pas de mots, taisez-vous, ne recommencez pas. Si vous voulez prendre des sièges, messieurs... Parfaitement, mon général. Tenez, vous avez un fauteuil qui vous tend les bras. Oh, merci. Merci bien. Vous êtes au courant, messieurs, du... Essayez-vous donc, du... Vous êtes au courant, n'est-ce pas, messieurs? Quel cosaque. Vous êtes au courant du motif de la rencontre. À la vérité, il n'est pas bien grave, mais pour des gens comme nous, la gravité des causes importe peu. Votre client a dû vous le dire, il s'agit de Potin. En effet, c'est bien ce que le lieutenant nous a dit. Monsieur Petitpont, ici présent, aurait affirmé que ce n'était pas le premier épicier de Paris. Qui? Potin. Moi? Ah oui, parfaitement. Oui. Eh ben, mais si mon client maintenant n'a plus le droit de donner son avis en matière d'épicerie, je réclame donc pour lui la qualité de français. J'ai absolument de votre avis, mon général. Absolument. Mais... Et quoi? Il me semble que c'est tout le contraire. Comment? Vous êtes de mon avis et c'est tout le contraire? Il me semble que cet avantage doit revenir à mon client. Et pourquoi ça à votre client? Dame, absolument, puisque c'est la phrase prononcée par votre client, mon général, qui a offensé le mien. Eh ben, tant pis pour lui. Il n'avait qu'à ne pas s'offenser d'une phrase qui ne s'adressait pas à lui, tandis que c'est lui, en se mettant en colère après mon client... Ah, permettez, mon général. Ah, permettez-vous, mais... Cependant... Il n'y a pas de cependant. Mais... Et bien voilà, c'est... N'admet pas qu'un simple lieutenant se permette de contredire son général. Vous avez raison, mon général, vous avez raison. Vous ficherez aux arrêts, moi. D'ailleurs, c'est bien simple. Si on veut, je la retire, moi, la phrase. Par conséquent, ça arrange tout. Non, toi, on ne te demande rien, mêle-toi de ce qui te regarde. Oui, mon général a raison. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, puisqu'on vous le dit. Oh, ça, c'est trop fort. Il s'agit de mon existence. Et ça regarde tout le monde, excepté moi. Qu'est-ce qu'elle peut faire, madame Petitpont, qu'on ne la voit pas? Levez-vous donc, duc, voyons. Oh, mais... messieurs, je réclame donc pour... voyons. Mais asseyez-vous donc, duc, sacré nom. Oh, mon bouquet. Je réclame donc pour mon client la qualité d'offensé. Mais comment donc, mon général, si ça peut vous être agréable? J'y tiens d'autant plus que cette qualité nous donne le choix des armes. Et nous permet d'écarter l'épée qui, j'y réfléchis bien, mettrait mon client dans un état d'infériorité absolue. Le lieutenant Corignon l'embrocherait comme un poulet. Ah, c'est évident. N'est-ce pas votre avis, Dick? Je pourrais jamais lui offrir ça. Dick! Eh? Eh ben, quoi, je vous demande si c'est votre avis. Hein? Oh, poutre! Merci. Et vous, monsieur? Oh, vous savez, moi, je m'en fous. Oh, oui! Oui, enfin, nous sommes bien secondés. N'importe, je vois que nous sommes d'accord, nous choisirons donc le pistolet. Oui, c'est ça, le pistolet. Non, mais il peut me toucher. Ben, naturellement, il peut. Mais toi aussi. Tu n'imagines pas que nous allons te préparer à un duel où tu ne risques rien. Pouvez-vous lever, vous savez, Duc, c'est fini. Ah? Ouais. Allez, au pistolet. Oui, au pistolet. Ah oui. Eh ben, non. Hein? Quoi? Non, mais c'est trop fort à la fin. Vous disposez de moi, vous y allez, je ne me battrai pas. Hein? Ah non, mais c'est vrai, ça, l'épée, le pistolet, vous en parlez à votre aise. On veut que je me batte? Eh ben, soit. J'ai le choix des armes, je prends le bistouri. Mais tu es fou. Mais il se moque de nous. Mais que signifie ce tapage? Bah, tout, c'est moi qui me bats, n'est-ce pas? Eh ben, je choisis mon arme. Qu'entends-je? T'as un duel, Lucien? Je veux pas. Ah, non. Je veux pas non, que tu te battes. Toi, laisse-moi. Hein. Alors, bon, voilà l'autre. Oh, Lucien, je t'en supplie, je ne veux pas, songe à moi. À moi qui t'aime. Ah, mon Dieu. Oh, non, madame, rassurez-vous, il n'y a pas de duel. Eh oui. On causait amicalement. Eh bien, ça... Si, j'ai entendu, Lucien. Mon Lucien. Je comprends tout maintenant, ces tutoiements, sa présence continuelle ici. C'est pour des femmes comme ça que les maris délaissent le foyer conjugal. C'est bien, messieurs. Oh, mon bouquet. Alors, nous reprendrons cet entretien ailleurs. Oui, mon général. Allez, messieurs, allez. Je comprends tout maintenant, toi. Madame est ta maîtresse. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Mais mon oncle... Non, laisse-moi tranquille. Moi, sa maîtresse? Hein? Mais oui, non, ne te mêle pas, j'en supplie, ne te mêle pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Venez, ma pauvre enfant, et apprenez à connaître ce que vaut celle que vous appelez votre amie. Elle vous trompe avec votre mari. Aïe! Moi, mais je suis sa femme. Oh. Je vous expliquerai. Laisse-moi tranquille. Ta femme, la voici. Elle? Mais c'est votre femme. Oui, elle... Fichtre, ça se gâte. Ma femme, elle. Laissez-moi rire. Le fauteuil. Raté. Enfin, général, expliquez-vous. Mais non, pas d'explication. Ah, vous, général, il faut que je vous parle. Oh, mon Gicourt à présent. Oh, tout est perdu. Non, monsieur, non, pas d'explication. Mais permettez. Inutile, monsieur, après ce qu'a fait votre femme. Où ça, ma femme? Qui ça, ma femme? Madame. Moi? Mais c'est pas ma femme. Je suis la femme du docteur Petitpont. Voilà le grabuge, caleton. Oui, bien ça ne prend pas. Vous pensez bien que je la connais, la femme de mon neveu, puisqu'il l'a amenée à la Membrolle avec lui. Hein? Et... Il l'a amenée, lui? Mais parfaitement. De même que je sais bien que vous êtes la femme de monsieur Chose, là, de monsieur Machincourt. Quoi? C'est le genre, ici, de toujours prétendre que vos femmes sont pas vos femmes. À ce point que vous en arrivez à vouloir me faire croire que la femme de mon neveu est ma femme. Vous comprenez que ça dépasse les bornes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Assez de blagues comme ça. Non, me persuader qu'elle est ma femme. Mais ben, où est-elle donc? Ma nièce! Non, pas général, voyons! Allez, rampez! Ma nièce! Ah non, par exemple, celle-là! Ah, c'est trop fort! Ah, gredin, tu avais une maîtresse, et tu la faisais passer pour ta femme! Non, mais regardez-le! Non, mais il ose sourire! Ah bah, attends un peu! Prenez garde, vous n'avez pas de gants! Ah, vous avez raison, où sont-ils les gants? Mais non, voyons! Mais si, où sont-ils les gants? Ah, allez, voilà! Là, les voilà! Ah, tu m'as trompé! Tu as abusé de ma confiance. Eh bien, tiens. Ah, tu as une maîtresse. Eh bien, tiens. Ah, tu fais la fête. Eh bien, tiens. Ah, assez grâce pour lui. Il pleudrait baiser. Piou, piou. Quoi? Il pleudrait caresses. Oh, je vais t'en donner, moi, des caresses. Il pleudrait... Oh! Ah, tu l'as senti, celle-là? Gabriel! Arrière, monsieur. Général m'a tout dit. Désormais, tout est fini entre nous. Je reprends ma vie de jeune fille. Gabriel, voyons. Il n'y a pas de Gabriel, voyons. Je vous dicte mes volontés. Vous n'avez qu'à vous soumettre. C'est bien. Je quitte cette maison. Bon. Nous divorçons. Bon. Je reprends ma fortune. Bon. Oh, tout, alors? Tout. Et maintenant, sortez, que je ne vous vois plus. Bon. Je retourne chez ma nourrice. Oh, ce pauvre petit pont. Vous avez été dur avec lui. Jamais trop. Si vous croyez m'apitoyer sur son sort... Oh, il veut faire le gandin à son âge. Oh, je ne lui suffis pas. Eh bien, qu'il aille se faire consoler ailleurs. Le duc de Valmonté. Lui? Ah, ben il arrive bien. J'espère que cette fois, au nom d'un chien, encore elle. Venez, duc, venez. Ah, vous pouvez vous vanter d'arriver au moment psychologique. Hein? Vous m'avez écrit que vous m'aimiez. Moi? Ne vous en défendez pas. Je ne serai pas cruelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, le malheureux. Et d'abord, cette fleur de votre bouquet à mon corsage. Oh, non! Comme emblème d'amour. Oh, mais madame, vous m'abîmez mon bouquet. Et maintenant, emmenez-moi, duc. Je suis à vous. Oh, mais non! Venez, duc, venez. C'est une femme qui a soif de vengeance qui vous le demande. Mais laissez-moi, au secours! Maman! Hein? Quoi, il sauve? Ben, on dirait. Les voilà, les hommes, tenez. 10 heures de belles paroles, et quand on les prend au mot... Gabriel! Qui m'appelle? C'est moi, ton bon ange. Hein? Oh, mon Dieu! L'ange Gabriel, je reconnais sa voix. Oh, petit pont. Chut, tais-toi. Hein? Eh ben, il en a à tout près. Gabriel! Je t'écoute, mon bon ange. Gabriel, tu es en train de faire fausse route. Tu as le meilleur des maris, tu... Au nom d'un chien, mon oncle. Venez, vous allez voir. Mille tonnerres, on s'est moqué de moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, pigé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le général? Ah, il arrive bien. Pardonne-moi ce que je vais faire, ô ange Gabriel, mais c'est pour convaincre un hérétique. Qu'est-ce que c'est le fait? Regardez, général, et soyez converti. Non, Gabriel, une épée. Elle a. Ah non, Gabriel, assez, pas de bêtises. Misérable, toi qui te moques. Non, Gabriel. Attends un peu. Ah non, au secours. Attends un peu. Ah, elle. Ce pauvre petit pont. Je crois qu'elle doit être édifiée sur ses apparitions. Je n'ai pourtant pas envie de rire. Ah, monsieur mon neveu, vous voulez mystifier le monde. Mais tout finit toujours par se découvrir, vous venez d'en avoir la preuve. Et à ce propos, monsieur, je vous fais toutes mes excuses. À moi, général? Je sais tout. Cette chère petite enfant m'a tout dit. Elle est délicieuse. Figurez-vous qu'elle ne connaît pas l'Afrique. Vous n'êtes pas le mari de Madame Mongicou. Mais non, général, puisqu'elle est la femme de Petit Pont. Mais oui, je sais bien, mais hier, n'est-ce pas, j'ignorais, alors je vous ai envoyé une... Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais bien qu'une gifle est une gifle, mais l'insulte n'est pas dans le fait, mais dans l'intention. Et ici, elle ne s'adressait à vous que du moment que vous étiez le mari de la femme qui m'avait... Oui. Vous ne l'êtes pas. Cette gifle n'est non plus un affront, ce n'est qu'une commission. Comment ça? Le vrai destinataire est mon neveu Petit Pont. Vous n'avez qu'à lui faire parvenir. Mais c'est vrai. Tenez, lui. Mon Dieu, pardonnez-moi ce dernier mensonge, il le fallait pour convaincre ma femme. Allez, viens, Gabriel. Te voilà, toi, je sais tout. Tu m'as menti. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? La chère enfant que tu m'as présentée pour ta femme n'a jamais été ta femme. Ta femme, c'est madame. Évidemment. Mais c'est ce que je me tue à vous répéter. Ah, tu t'es moqué de moi, c'est très bien. Je t'ai donné ma parole que je ne te désiriterai pas, je la tiendrai. Oui. Mais c'est fini entre nous, je te reverrai de ma vie. Ah bah, j'en demande pas davantage. Oh, mon oncle. Non. Général, pardonnez-lui. Sachez que c'est par abnégation qu'il a fait passer cette femme pour la sienne. Il savait qu'elle était la maîtresse de Monsieur Corignon. Et c'est pour éviter un scandale et empêcher la rupture du mariage qu'il a fait ce pieux mensonge. Je ne sais qu'une chose, c'est moquer de moi, ça suffit. Oh. Eva, y es-tu? Mais voilà, bébé, je te suis. Oh. Quant à moi, je me suis expliqué avec le général, tu sais, pour l'affaire. Ah. Oui, il a trouvé un arrangement qui concilie tout. C'est de considérer la gifle non comme un affront, mais comme une commission. Excellente idée. Vraiment, alors tu souscris. Mais commandant, tu penses? Oui, et ben alors, plan. Oh. Touché. Oh, nom d'un chien. Lucien. C'est de la part du général. Je suis à tes ordres. À moi, je... Non, je parle à madame. Mais allez donc, c'est pas mon père. Et voilà terminé La Dame de chez Maxime, le vaudeville en trois actes de Georges Feydeau, que vous proposez ce soir Jacques Régnier et Jean Debert dans l'émission La Comédie Française interprète pour vous les chefs-d'œuvre du théâtre comique. La distribution comprenait Messieurs Maurice Escande, le général, Jean Piat, Mongicourt, Jean Marchat, Petit Pont, avec Georges Vitray, Maurice Portera, Louis Aymon, Georges Baconnet, Marco Béard, François Vibert, Jean-Louis Gemma, Jean-Claude Arnaud et Jean-Laurent Cochet, et Mademoiselle Micheline Boudet, la môme crevette, Denise Jans, Madame Petitpont, avec Suzanne Nivette, Françoise Angèle, Eliane Bertrand, Françoise Canel, Marthe Alicia et Philippine Pascal, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Prise de son, Jacques Perrier. Collaboration technique, Claude Armand. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante de l'émission, Marthe Labastie. Cette version de La Dame de chez Maxims a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 6 novembre 1958. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Nous, voitures de course, c'est que des caddies. Trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à chantier. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines. On n'est ni Carla, ni Bruni. Nos plateaux télé, c'est des surgelés. Quand on se met sous un spot, c'est pas United Artist, c'est sur la chaise du dentiste. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. Même vu de dos sur les couvertures. Mais quand on est en dessous, là tout le reste, qu'est-ce qu'on s'en fout. Foudoudoudou, oui, d'adodon. Y'a des poupées blondes qui font le tour du monde. C'est le tour de France, nos vacances. Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben, on s'en balance. On n'a pas le souci des paparazzi quand Donald nous trompe au crédit. Non, seul cliché X, les radios les fixent, donc tu vois. Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois. Je me dis toutes les nuits, je suis à lui. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures.